Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à la multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/audio. Rendez-vous sur shopify.fr/audio pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui. Il s'agit du flow de cast. Hop, calmos les amis, pour ne pas citer un certain footballeur. C'est Florent Bernard, j'interromps votre épisode pour une annonce spéciale avec Adrien. Nous allons refaire un épisode en public, un flow de cast en public au Bataclan le 6 mars 2020. Ce sera un vendredi, on a décidé de faire ça un vendredi, comme ça il y a plus de gens qui peuvent venir potentiellement. Derrière, c'est le week-end. Les prix n'ont pas du tout changé, c'est le même prix. Et pour la billetterie, pareil, c'est sur le site du Bataclan ou dans la description ou sur mon Twitter, mon Instagram. Bref, les liens sont trouvables à peu près partout. Je pense quand même aux quelques fous furieux, les quelques malades mentaux qui écoutent cet épisode avant 10h à lundi, parce que tout simplement ils travaillent et font marcher notre si belle économie qui rayonne partout dans le monde. Ou alors ce sont des gros stoners qui se couchent extrêmement tard parce qu'ils fument des bons joanos. C'est le mot que j'ai inventé pour juin. Bon bref, en tout cas pour vous, le lien va arriver dans quelques heures, dans quelques minutes. L'heure c'est 10h, le 3 février 10h. Il y a le lien qui tombe et vous pourrez prendre vos billets pour le Bataclan, aller voir le Floodcast en public. On vous prépare une émission aux petits oignons. Il y aura peut-être aussi quelques gros oignons, je ne vous le cache pas. Il y aura de la musique, des invités surprises qu'on vous garde encore au chaud. Ça risque d'être très cool. Les gens qui sont venus à la première sont repartis contents. Vous avez peut-être écouté l'épisode, puisqu'après les épisodes on les diffuse hein, comme n'importe quel épisode. Bon bref, c'est souvent une chouette fête. Donc voilà, ce sera le 6 mars 2020 au Bataclan, un vendredi soir. Et la billetterie est dans la description. Je vous laisse avec votre épisode. Au revoir. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Bonjour, bienvenue dans ce... Merci, j'ai pas écouté. Pardon. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Adrien, le numéro s'il te plaît. Attends, je t'entends pas, j'ai pas mon casque. Non, je plaisante, c'est le 14e. Alors, oh, on peut le dire qu'il n'y a pas de casque comme ça, s'il y a un truc bizarre, les gens vont dire, ils sauront que c'est parce qu'il n'y a pas de casque. Ouais, mais fallait le dire avant, parce que du coup, ils n'ont rien compris au début, je pense, de si, ce que t'as dit. Il n'y a pas de casque. Parle bien dans ton micro, du coup. Il n'y a pas de casque. Nous sommes avec, comme à l'accoutumé, évidemment, comme à l'accoutumé, je suis accompagné de mon co-host, ouais, bah là, ouais. Adrien Méniel, Ninja, entre autres. Entre autres. Ouais, bien sûr. Et nous sommes avec trois invités. Nous sommes tout d'abord avec Gisla. Yes. Gislain Blic. Gislain Blic. Salut. Car ce n'est pas comme Renault, il a un nom de famille. C'est vrai. C'est vrai qu'il l'utilise. Tout le monde te le dit d'ailleurs, tu n'es pas comme Renault. Non, oui, oui, oui. C'est un truc qu'on dit souvent. Gislain, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Eh ben, je m'appelle Gislain, voilà, comique de stand-up. Voilà, essentiellement. On a pu t'entendre aussi sur des podcasts. Ouais. Par le passé. On a pu m'entendre. Donc, sympa la vie. Avec Paul de Chavannes, un collègue comique de stand-up, Calme-toi Bernard, et je crois que c'est tout. Voilà. Très bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà énorme. Nous sommes également avec Fanny Ruet. Oui. Fanny, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Eh bien, je fais des blagues également sur scène. Je fais des blagues à la radio, chez Inter et à l'RTBF en Belgique, parce que je viens de Belgique. Et voilà, je fais des podcasts aussi. D'ailleurs, j'avais reçu Adrien. Bien sûr. Yes. Tu peux dire le titre? Ça s'appelle Les gens qui doutent. J'avais reçu Thomas aussi, pardon. Ouais, mais on l'a pas encore présenté. On sait pas que je suis là, on sait pas que je suis là. Ah merde. Ça joue le secret, c'est tout. Nous sommes également avec Thomas Wiesel. Alors ouais, Wiesel ou Wiesel? Je dis tout mal, c'est le principe de cette émission. Wiesel. Wiesel. Faisal. Thomas. Ça marche aussi. Thomas, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent peut-être pas? Bah, encore un humoriste. C'est vrai. De Suisse. De Suisse. Ouais, voilà. Et tu viens de terminer quand les gens écouteront ton spectacle. Et cool. Voilà. Ah, si tu voulais faire de la promo, c'est marrant. C'est complètement dead. C'était génial. Mais tu rejoues dans quelques temps. Je reviens en mai à l'Européen à Paris, voilà. 11-12 mai. Et on tournait un petit peu en France, mais le moins possible. Parce que tu es la France, il faut le rappeler. Toi, non, j'aime non, pas tu Paris. Es surtout les Français. Paris. Ah. Oui, voilà, ça les Français plus généralement. Écoutez, ils te le rendent bien. Dans les commentaires Facebook. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette invitation. On va faire une émission un peu particulière parce que le hasard a fait, et c'est vraiment un hasard, que vous êtes tous les trois humoristes. C'est vrai. Ça, c'est pas un hasard. C'est laissons les gens le découvrir. Elle fait que de spoiler. Non, vous êtes tous les trois humoristes sur scène et ailleurs. Et du coup, je me suis dit que pour cette émission, j'allais lister. Via diverses recherches que j'ai fait sur internet, des humoristes et on les bitch dessus. Voilà, je vais vous dire plusieurs noms de gens très connus et vous allez me dire à quel point c'est des merdes. À qui ils ont volé leur blague. Non, en vrai, j'ai fait aussi également, Fanny, tu l'as vu passer du coup un tweet pour connaître les clichés qu'avaient les gens sur les humoristes. Bah, je me suis sentie comme une merde en lisant les réponses. Les gens sont violents hein, des fois, un petit peu. Je me suis dit, mais c'est pas un métier là, c'est juste une sous-merde. Certains, je me suis dit, bon, clairement, il y a eu un moi, père qui s'est barré. J'ai pas vu le tweet, mais je me sens pareil parce que on est lundi donc ça arrive. Mais j'ai d'abord fait une recherche personnelle via divers articles que j'ai lus sur internet et les gens effectivement ont rajouté leurs propres questions, donc je vous propose qu'on fasse ça tous ensemble. Le truc qui revient, je tiens à préciser que j'ai rien compris à ce qu'on va faire personnellement. J'ai mais faisons-le. Dans moi, toutes les émissions, tu me fais ce coup-là. Tu t'en rends compte. Non, mais tu t'en rends compte. Je pense au public. Tu es une vieille personne. Oh, c'est tout ce que je peux te dire. Écoute, je veux vulgariser. Ouais, non, en gros, j'ai fait une liste de les clichés. D'accord. Pour l'impression d'avoir les gens vis-à-vis des humains. D'accord. Et donc, du coup, vu qu'on a des humains autour de la table. On va les dire, on va dire si c'est vrai ou pas. Bah, vrai ou pas, et surtout comment ils se ressemblent. Après, on va passer à autre chose. hyper vite. Non, et puis en plus, ce qui est rigolo, c'est que ça marche aussi avec les auteurs de comédie, tu vois, tout ça. Donc, mais dégueule, hein, s'en supplie, dégueule sur la table. Ah non, pas du tout, je suis. Celui qui revenait souvent, c'est les humoristes détestent qu'on leur demande d'être drôle. Ouais, bah oui. Est-ce que toi, Adrien, par exemple, je vais commencer avec toi. Vas-y, je t'en prie. Je te propose de faire déjà deux blagues avant de commencer. Pour voir si t'es délirant. Est-ce que tu aimes bien quand on te dit, bah, toi, t'es marrant, fais-nous marrer? Alors, ça implique de côtoyer des gens et tout, donc ça m'arrive pas forcément très souvent. Et puis, c'est aussi souvent quand je vois des gens, c'est des gens du métier, donc ils savent qu'il faut pas faire ça. Donc ça m'arrive pas souvent, mais c'est plus. Je sais pas. Oh là là, j'ai rien à dire. Non, mais. Mais tu te déshabilles pendant, et ça, c'est ouais, impressionnant. Ça, c'est chaud parce que vous êtes tous retournés vers moi, genre alors vas-y, dis un truc intéressant, et en fait, j'ai rien. Non, mais. Comment tu réagis? Imagine, non, là, mais on après, a une soirée. J'ai l'impression que c'est plus une. Parfois, une pression que tu te mets toi-même. Enfin, moi, plus maintenant, mais je pense que peut-être au début, quand tu es un peu identifié comme personne drôle, c'est plus une pression que tu te mets à toi-même, genre putain, faut que je sois marrant parce que c'est ce que les gens attendent, tu vois. Mais. Donc, ça, c'est le meilleur moyen de être pas drôle du tout quoi. Mais parce que t'as le sentiment de pas offrir autre chose, non? T'as pas un peu ce truc là? Oui, je pense qu'il y a ça aussi. Bah ça, bon, je sais pas si c'est juste moi ou mais tu sais, une fois que tu t'es un peu identifié personne marrante, tu te dis c'est moi et c'est pour ça que les gens m'apprécient, pas pour autre chose, tu vois. Donc il y a un côté, si je suis pas marrant, on va m'oublier, on va me, tu vois. Et donc non mais t'es un chialeur. Non mais du coup avec mon grand âge et ma sagesse, tu vois, que j'ai acquis au cours des années, maintenant ça va mieux. T'es en train de caresser une barbe. Je suis une énorme barbe. Alors c'est celle de Ghislain, mais quand même. Mais c'est toujours bien de caresser une barbe. Non mais voilà quoi. Mais après ça fait très longtemps, j'ai pas souvenir de quelqu'un qui m'a dit ah vas-y sois marrant, fais-nous marrer et tout. Ça arrive parfois de temps en temps. Quand même. Mais c'est parfois par message, c'est encore plus bizarre quoi. Mais c'est des fois des gens qui s'ennuient. Ils disent ah vas-y, fais-moi marrer. On t'envoie un message en disant fais-moi marrer. Non mais tu parles avec quelqu'un et dis ah vas-y, je me fais chier, là, vas-y, t'es marrant. Tu fais bah. Mais après je dis juste non en fait, voilà, ça se passe. Après tu traînes avec des messieurs royaux de cirque. C'est ça, ouais, de faire des blagues tout le temps. Après ils sortent un cerceau, ils disent de sauter dedans, ils mettent le feu au cerceau. Je fais, là ça devient. Eh mollo là, mollo. Non mais voilà, en fait moi maintenant j'ai pas de problème à dire bah non en fait je ne suis pas un singe, hélas. J'adorerais être un singe. Parce que pour grimper à des arbres. Bah puis avec être plus tranquille au niveau de le rapport à la vie quoi. Mais non, je suis pas un singe donc voilà. Fanny, toi par rapport à ça, on te demande encore aujourd'hui de oh bah fais-nous marrer. Non. Après quand tu fais une chronique, il y a un peu ce truc de faut les faire marrer. Alors là en chronique oui, d'un côté sur scène je parle beaucoup du fait que je suis pas très à l'aise en société et donc les gens faut pas qu'ils m'en demandent trop quoi, ils s'en doutent à un moment que, donc Non, en général, les gens captent vite que je suis pas quelqu'un de très agréable au premier abord. Et donc, en fait, le truc, c'est que je descends leurs attentes au maximum. Ouais. Comme ça, si je fais des blagues, ils sont contents, mais ils vont pas en attendre grand-chose. Donc... C'est ça qui est dur dans le fait d'être humoriste ou estompillé rigolo, c'est que les attentes augmentent. Donc, la blague que tu ferais qui ferait rire si t'étais comptable, parce que j'étais comptable. C'est vrai ? Arrête de vanter. Ouais. J'avais un métier. Big up à tous les comptables d'ailleurs. Big up aux comptables. Qui nous écoutent. C'était dur. Et je pense que simplement les attentes sont plus les mêmes. Donc même tu sais quand quelqu'un dit vas-y sois drôle, des fois moi j'étais déjà en train d'essayer d'être drôle. Ouais donc, bah là, ouais. C'est ouais. Hyper mec. En fait ça fait 10 minutes vraiment. Ouais, bah je vais commencer. Ouais. Là, c'était mon meilleur matos jusque là. C'est pour ça que je te parle avec un accent hein, depuis 10 minutes. À la base c'était quand même pour te faire rire. Toi Ghislain ? Et oui non moi c'est un peu comme Fanny je crois que. J'ai un peu ce talent-là de donner un peu une vibe aux gens autour de moi. Peut-être qu'il leur fait comprendre que c'est pas forcément une question à poser. Donc ça m'arrive pas beaucoup, ça m'arrive pas souvent. Et puis si ça m'arrive, c'est non, tout simplement. Voilà. Je préfère même pas essayer, quoi. On précise que t'es habillé en cuir de la tête aux pieds, y compris la casquette, et t'as des bracelets de force. Donc, et que je pleure en permanence. La barbe qui dépasse. Mais parce que c'est des trucs un peu liés à l'enfance aussi. T'as un peu un truc quand t'es enfant, c'est bah toi t'es le marrant de l'école, donc vas-y fais des blagues et tout. Ouais. Ce truc-là. Et est-ce que vous l'aviez vous ce truc-là ? Non. Non. J'sais moi pas. Je trouve bizarre le truc de fais des blagues parce que être drôle c'est typiquement en réaction à une situation. Moi soit qu'on a créé nous-mêmes parce qu'on est sur scène puis on a emmené les gens dans un truc ou soit t'as de la répartie. Mais être marrant de rien. Ouais c'est horrible. Ouais, c'est des blagues de Michel Leb quoi. Un mec qui rentre dans un bar puis il sait pas ce qu'on fait nous donc je pense qu'il y a une incompréhension de la part des gens. Bah disons que t'as jamais foutu les pieds dans un bar toi d'ailleurs. Donc tu pourrais pas faire cette blague. Non je pose ça parce qu'effectivement c'est l'autre grand cliché c'est vous faisiez marrer les petits camarades à l'école. Que alors. Tous les humoristes faisaient rire les camarades à l'école. Ça, c'est la question que les journalistes posent le plus souvent. Ouais. Bien sûr. Et est-ce que toi alors Adrien toi t'en faisais partie un peu de cette bande-là ? Moi ouais en fait ouais. Bah oui. Quand même. Moi, je faisais des spectacles, je faisais des sketchs à la récré. En fait, j'ai déjà fait de la scène, mais quand j'avais 11 ans. Je t'imagine avec une petite affiche. Retrouve Adrien Méniel à la récré. Je l'ai perdu ce truc, mais j'avais retrouvé chez ma mère. J'avais fait des flyers. Incroyable. Que je donnais. Genre, ah ouais, ouais, ouais. En mode Avignon off. J'avais beaucoup plus d'ambition quand j'étais petit que maintenant. Qui chaque année descend. Bah voilà, après voilà. Du coup, pendant les cours, tu te reposais pour être en forme à la récré. Pour ton attendez, ne me parlez pas, je suis en train de répéter mon matos. Non mais ouais mais ça c'était en primaire et puis après c'était bizarre parce que j'oscillais en fait entre très faire des blagues, faire le con un peu insolent et même soit d'une année à l'autre soit d'un prof à l'autre c'était genre Adrien est complètement éteint, il ne parle pas machin etc. Il y avait un truc un peu une espèce de d'ambivalence chelou comme ça mais oui j'étais quand même le mec marrant. J'avais dit d'ailleurs dans un podcast que ça m'avait même sauvé mon année de seconde quoi, c'est à dire qu'il y avait vraiment un mec le premier jour le mec m'avait en gros pris comme bouc émissaire quoi, vraiment horrible. On l'aurait tous fait. Non, il s'était assis derrière moi j'étais vraiment tout petit, lui il faisait déjà 1m80 en tout cas c'est la vision que j'ai. Vraiment premier jour de cours, il s'assoit derrière moi et il me met une claque derrière la tête tu vois. Ah. Donc je suis genre arrête. Donc je me dis bon bah je vais passer une super année quoi. Et en fait par le biais des blagues je me le suis mis dans la poche. Et ça m'a sauvé mon année quoi. C'est drôle, moi ça a été l'inverse au collège. Moi je faisais de l'auto ouais. Tu sais, je me vannais moi-même en disant. Tu mettais toi des claques. Ouais, mais c'est limite bas. Ouais, verbalement, c'était à peu près ça. Ouais, je me vannais tout seul. Tu te crachais dessus aussi. Je me crachais dessus, mais ça, je l'ai vraiment fait. Anna Gatsby, c'était toi. Tu pissais dans la bouche, Flo. je me pissais pas dans la bouche, mais je me crachais dessus, gars. Tu l'as fait exprès, cette non, phrase, non, je le savais. Ah, oui, tu savais. Je me pissais dans la bouche, dessus, je savais pas qu'il fallait pas le dire. Non. Comment tu te crachais dessus? C'est en l'air. Très... Attends, je dis pas ça comme si c'était évident. T'as fait de la physique ou quoi? Non, bah j'ai craché dans un seau pendant 2 ans et je me suis versé, à la fin de l'année. C'est devenu un challenge sur les réseaux sociaux après. Ouais. Qui a pas pris. Pas pris du tout. Fallait une maladie. Et donc, ouais, c'était ma façon de dire ah ben, vous voulez vanner, ben, je ferai toujours les pires vannes sur moi. Et en fait, qui n'est pas une défense. Qui... Ouais, exactement ce que j'allais dire. Putain, t'étais Eminem. J'étais Eminem parce qu'Eminem ne s'est pas craché dessus. Bah, non. Et Dieu sait que pourtant il a fait plein de choses. Par contre, son dernier album. Oh, il s'est craché, tu veux dire. Oh, vu qu'en plus c'est Kamikaze le dernier. Non, c'est celui d'avant, j'ai raté. Non, mais donc, ouais, et ça n'a pas marché au contraire. Ça a donné plein de munitions. J'avais l'impression de vraiment, en faisant des blagues sur moi, de donner des munitions à des gens qui ont des armes en disant venez-moi là-dessus. Venez-moi là-dessus, vraiment, je suis une merde à ça aussi. Si vous le saviez pas, peut-être que vous pouvez le faire du coup. Donc cette technique n'a pas fonctionné, moi. Ils t'ont vanné sur le fait que t'étais un teubé qui se crachait dessus, en fait. Finalement, exactement. Dit, bah, c'est hyper marrant, ça. C'est encore mieux. Fanny, toi, tu faisais des blagues un peu à l'école ou pas du tout? Moi, j'ai eu un peu ce truc de montagne russe. De ouais, au début, je suis la petite rigolote, et puis au moment de l'adolescence, je fais ah, les gens, non. Et puis je me mets dans un coin, je lis des livres et j'attends que le temps passe jusqu'à ce que j'aille à l'université. Ouais, tu lis des livres, ok, l'intello. Et ouais. Okay. Et ouais. Et toi, Gisela? Non, non, moi, j'étais pas le rigolo de la classe. Tu tapais? Non, non, j'étais pas un connard non plus. J'étais pas forcément renfermé, quoi. Mais j'ai pas. Non, non, j'étais pas. Mais toute ma vie, j'étais pas le rigolo au boulot, je sais pas. Je suis pas quelqu'un de marrant de base. Mais alors, du coup. Vraiment, c'est un boulot, quoi. Mais du coup, pourquoi alors t'es lancé là-dessus? C'est ça qui est rigolo? Et ben, vraiment. par. Pour l'oseille, quoi. Pour la thune et les meufs. Non, parce que je suis devenu fan, vraiment. Moi, par passion, quoi. Je suis devenu fan de stand-up. Jusqu'au jour où j'ai décidé que peut-être je pourrais essayer. Et plus, ce qui est terrible, c'est que moi, j'ai jamais été vraiment le rigolo de la classe, mais je me suis toujours, quelque part, pour le faire, pour monter sur scène, faut te dire au fond de toi que t'en es capable, quoi. Donc, faut te trouver marrant. En dépit de l'avis de tous les gens qui t'ont croisé dans la vie, quoi. Et donc voilà, c'est pour cette raison-là que je me suis lancé. Mais non, j'étais pas vraiment le petit rigolo de la classe. Plus les gens qui sont vraiment les gros déconneurs de la classe, je les soupçonne d'être peut-être pas forcément les plus marrants sur scène ou pour les meilleurs auteurs, quoi. Tout à fait. C'est vrai, ils sont en prison souvent. À l'âge adulte, ils sont en tôle. Donc Justement, tu disais, toi, tu t'es pris de passion pour le stand-up. L'autre cliché qui est revenu là, c'est chez les tweetos, parce que je les appelle les tweetos, hein, j'ai ce rapport avec eux, et, qui disent, ils citent souvent le stand-up américain et ont une grande culture presque encyclopédique du stand-up et de l'humour en général. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu votre cas, j'ai l'impression que vous regardez ce qui se fait pas mal. Non, pas du tout, Thomas, toi? Non, moi, plus je fais du stand-up, moi j'en regarde. Ah, mais tu t'écoutais des podcasts, enfin tu parlais de Marc Maron hors antenne, tout ça, c'est quand même. Ouais, mais j'ai dû en écouter un ou deux il y a 4-5 ans parce qu'il fallait le faire. Mais il fait très bien semblant de connaître. Oui, je suis hyper doué pour parler de trucs que j'ai pas vu, que j'ai pas lu. Non, mais plus je fais de stand-up, moi j'ai envie d'en voir parce que j'aime pas trop travailler. Et regarder un autre humoriste faire des blagues, j'ai l'impression de travailler. Donc moi j'ai fini mon travail, je préfère regarder autre chose. Tu regardes que du Haneke, par exemple? Que du Michael. Exactement, Haneke. Que des trucs très tristes. Des trucs très tristes. Non, des séries marrantes, j'aime bien. Des trucs à la con, j'aime bien. Mais du stand-up, ça, j'ai la flemme. Toi, Ghislain, tu disais que t'étais passionné. Ouais, moi j'étais passionné, mais c'est marrant. C'est un peu comme Thomas, je regarde plus du tout de stand-up, quoi. J'en consomme plus du tout. Et donc j'ai démarré, j'en ai bouffé à fond pendant des années, quoi. Du stand-up en vidéo, des podcasts et tout ça. Et depuis que j'en fais, j'en consomme quasiment plus, quoi. Je regarde un ou deux spectacles par an. Mais sinon, ce cliché-là. Beaucoup à Paris aussi, je connais peut-être pas forcément tous les stand-uppers, mais c'est de plus en plus vrai quand même que ici t'es énormément. Enfin, le stand-up américain, il est arrivé à Paris et c'est un côté un peu ridicule même souvent, quoi. Il y a des concours de références de stand-up américain. Il y a une ambiance un peu branlette, de cours d'école. Faudrait essayer d'en inventer un une fois, d'humoriste. Ouais, voir s'il prend. Regarder si les gens te citent. Oui, oui, un génie de... On fait sa fiche Wikipédia et tout, puis on voit. Mais moi, c'est marrant parce que je fais pas de stand-up, mais c'est... Enfin, l'humour, c'est quand même mon métier. Malgré la demande populaire. Ouais. Mais j'ai le même rapport, quoi. C'est-à-dire que quand j'étais illustrateur, j'écoutais du stand-up à fond, j'en regardais à fond, j'écoutais des podcasts à fond et tout, surtout en bossant. Et en fait, depuis que c'est mon métier d'écrire de l'humour et tout, j'en regarde plus trop, quoi. Moi c'est même pas genre, enfin je pense pas que ce soit un truc de genre j'ai l'impression de bosser, mais bah je sais pas, peut-être que j'avais ce rapport là parce que c'était je sais pas, je fantasmais quelque chose et tout, puis maintenant que c'est un peu ma réalité entre guillemets, du coup je suis moins attiré. Ça t'impressionne plus en fait? Ouais, maintenant je les trouve un peu moins drôles que moi, quoi. Donc quel intérêt. Tu parles de Chris Rock, bien sûr. Bien sûr. Mais quand tes loisirs deviennent ton métier, bah forcément tes loisirs changent après. Ah ouais, c'est vrai. Toi Fanny, t'en consommes, t'es pareil ou Moi j'en consommais plus avant, mais c'est plus une question de temps que d'envie. Ouais. Mais là j'ai vraiment envie de regarder des choses à nouveau parce que je sens que je tourne en rond dans ce que je fais, et donc justement j'ai besoin de mater des choses que ce soit en humour, que ce soit n'importe quel style, mais je sens que j'ai besoin de voir des nouvelles choses, parce que là, j'ai regardé un vieux HBO de Sarah Silverman il y a quelques jours. Je pense que j'ai juste vu 20 minutes, et puis un moment, elle a pris un bête angle sur une bête situation, et je me suis dit, putain, mais c'est tellement bien fait. Et ça faisait longtemps que j'avais plus vu des choses différentes, parce qu'une fois que t'es un peu dans ce milieu, tu tournes un peu avec les mêmes têtes, avec les mêmes styles et tout. Et donc là, ouais, revoir des choses un peu plus stimulantes, c'est sympa pour les gens que t'as vus récemment. ça te traînait à Paris. mais ouais, ça me manque beaucoup et j'ai envie d'en revoir. Et c'est vrai qu'en plus en ce moment c'est marrant que tu parles de cette mode, parce que effectivement là j'ai vu que c'était Dave Chappelle par exemple qui joue à Paris. Et c'est vrai qu'il y a un peu le côté élite, parce que le billet est à 110 euros. Sérieux? Ouais. Oh là là. Enfin là, la plus chère, je suis bâtard, les meilleures places sont à 110 euros. Ouais, et le moins cher à 70, ouais, je pense que 80 balles, je crois, ouais, c'est 80 balles la moins chère. Ricky Gervais c'était ces eaux là aussi. C'est cher pour vous, je m'en rends pas bien. Rappelons que tu viens de Suisse, évidemment. Ouais, évidemment. Y a aussi là un cliché, mais j'ai l'impression que ça c'est assez vrai, c'est qu'ils sont des self-made men et des self-made women, des autodidactes. C'est-à-dire que quand on commence, il y a une série de vidéos sur internet qui prouve. Non, mais qu'il y a un truc où en tout cas ça ne se fait pas d'avoir des auteurs au début par exemple, ou un co-auteur. Ah. Pas l'argent. Bah, ouais, c'est ça. Tu veux écrire pour moi, t'es qui? Bah, je sais pas encore, mais. Personne et je peux pas te payer. Bah, va-t'en, tout de suite. Bah, oui, mais regarde-nous, quand on faisait des vidéos sur internet au tout début, il y avait un peu. Avant Golden Moustache, alors on faisait pas toi et moi ensemble, mais. Y avait, bah, moi je faisais rien avant Golden Moustache. Non, mais il y avait un peu. On faisait des sketchs, on appelait les copains pour venir et tout. Il y avait un truc un peu groupe. Non, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, mais du coup, c'est. Oui, mais ça reste de la démerde. Oui. Ce que je veux dire, c'est que par essence, un sketch est avec plusieurs personnes, alors que le stand-up, c'est tout seul. C'est vrai. Enfin, tu vois, je veux dire. Non, mais moi j'écrivais des blagues pour des gens, c'est pour ça que je disais ça. Ouais. Mais vous êtes vos propres auteurs, vous travaillez jamais avec des gens? Non. Non, vous êtes. Moi j'échange parfois, je travaille pas vraiment avec des gens, mais ça m'arrive d'envoyer un texte ou de téléphoner à quelqu'un, surtout pour des chroniques ou des trucs qu'on fait en one shot. J'aime bien juste écouter s'il y a quelqu'un a des autres idées, et puis je fais pareil, c'est-à-dire que je reçois des textes et je renvoie, etc. Mais quand j'écris, c'est tout seul. Hein. Et à Montreux, même, t'as pas fait des. J'ai vu sur internet des binômes, ouais. Faire un truc avec Farid, avec Ken Kojandi. Ça change ta façon. Enfin, t'aimes bien cette façon de travailler, ou au contraire, tu dis ah, j'aime non. bien tout seul. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste que. Enfin, c'est déjà difficile de travailler tout seul quand t'es humoriste, parce que t'as un cerveau qui est assez bizarre, et moi je procrastine beaucoup, machin. Non, mais on est tous bizarres, les humoristes, puis je crois que nos bizarretés ne se croisent pas forcément. Et du coup, bah, par exemple avec Farid, bah, on n'arrivait jamais à se choper au même moment, machin. Enfin, c'est dur des fois de combiner deux personnes très individualistes, donc c'était cool à faire, mais logistiquement c'est très compliqué. Puis moi je suis pas dans la bonne ville pour ça en plus. Ouais, t'es un petit peu plus... Ouais. Et Gislain, toi, quand tu faisais du podcast, est-ce que le podcast, moi j'ai un peu cette sensation-là avec Adrien, même le podcast, nous on l'a lancé pour un peu ouvrir nos cerveaux, de trouver des blagues, de trouver des situations, de parler avec des gens, tu vois, de pas être que dans ta petite vie perso. Est-ce que toi t'as un peu vécu ça avec le podcast, ou pas du tout? C'était plutôt un endroit où tu pouvais perfectionner tes skills d'humoriste? Non, je sais pas du tout pourquoi. J'ai fait du podcast en réalité. Vraiment, on a fait ça avec Paul parce que on démarrait le stand-up et que je pense qu'on avait un peu tous les deux la même histoire. On avait écouté beaucoup de podcasts et puis c'est quand même assez lié, quoi, le podcast et le stand-up. Et donc c'était naturel de le faire. Mais après, il n'y avait aucun autre objectif. Enfin, c'était vraiment juste une discussion qu'on faisait à deux. Bon, les gens, beaucoup de gens connaissent pas ce truc sympa la vie. Ah si, mais... bah alors justement, je t'en parle parce que moi, j'ai reçu beaucoup de questions d'auditeurs qui demandaient quand est-ce que ça revenait, tout ça. C'est pour ça que je me permets de demander. Moi aussi, j'ai reçu des messages, gens qui me disaient, putain, lui, il est trop chouette, écoute son podcast sympa la vie. Ouais. Donc c'est pour ça que je me permets. J'aurais de niche, pas osé. Mais il ouais, est voilà. Je pense, ce qui s'est passé, c'est que ça a pas, y a pas des millions de personnes. Qui ont écouté. Par contre, les 200 personnes qui ont écouté sont vénères. Voilà. C'est mieux. C'est souvent c'est mieux. Oui, oui. Souvent c'est mieux. Mais sinon, il y avait vraiment zéro objectif en démarrant ce truc. Juste le fait de discuter. Ce qui est même un peu dur à sortir, quoi, d'accepter de sortir un truc où tu discutes avec quelqu'un et d'imaginer que ça va plaire à des gens. Mais bon, ça a plu à des gens. Oui, parce que les gens dans la vie te disaient t'es hyper inintéressant et tout, donc c'est comme le stand-up, t'as dû te convaincre. Mais moi, je trouve, franchement, honnêtement, sympa la vie. Moi, j'ai essayé de réécouter, parce que je reçois des messages, donc je le sais que ça a plu à des gens, mais j'essaye de réécouter des épisodes des fois. Bon, moi, je m'emmerde un peu, mais après... Ouais, mais bon, c'est normal. C'est dur. Moi, j'ai réécouté le premier podcast hier. Oh, bah, voilà, ouais. Oui, il y a 5 ans. Ouais. Ouais. Bah dis donc, on a bien évolué quoi. Mais je crois que déjà on parlait que de trucs culturels qu'on a bien aimé. C'était horrible. C'était bah, la branlette dont tu parlais tout à l'heure sur le stand-up, c'était ça sur le cinéma. Sachant que moi je vois aucun film. Oui, oui. Donc c'est une blague de temps en temps, mais c'est genre oui, bah c'est réalisé par machin qui a aussi fait ça et ça ouais, et, bah, qui, ouais. Et le chef-op, c'est le chef-op de trucs. Bon. tu lis une fiche Wikipédia et tu cliques sur les liens pour dire un autre truc qui est lié, mais. Mais tu dis que c'était pas l'objectif, mais est-ce que quand même ça t'a nourri ou absolument pas? Non, non plus. Non, non, je suis désolé, ça a servi à rien. Non, non, si, ça a servi à des trucs, quoi. Ça a plu à des gens. Si, c'est sûr. Mais ouais, ouais, c'est sûr. Ben, déjà, ça m'a permis de. Bon, y a des gens qui m'ont suivi par rapport à ce truc. Et non, non, enfin, ça a pas vraiment. Je parlais de toi dans ta façon. Non, non, mais même sur scène, en vrai, moi, il y a plein de gens qui m'ont dit putain, les trucs que t'as raconté dans Sympa la vie, tu devrais en parler sur scène. J'arrive pas à réécouter ces trucs. Donc, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de ce podcast. Donc, non, ça m'a pas servi. Juste, ouais, ouais, le faire un peu de. Ça m'a donné, en tout cas, envie de continuer à faire du podcast. Je vais essayer d'en refaire un plus tard, quoi. Il y a une relation avec les gens aussi qui est un peu. Qui est vachement sympa, quoi. C'est-à-dire, quand tu fais un podcast où tu es vraiment naturel, où tu discutes, je sais pas, tu te retrouves avec des gens qui te suivent, qui te connaissent, qui ont envie de te voir en spectacle et qui sont super curieux de voir ce que tu as à dire sur scène. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment cool, quoi. Tu as ça aussi, toi, Fanny, avec ton podcast, Les gens qui doutent. Est-ce que, du coup, tu vois des gens qui te disent « Moi, je t'ai découvert via ça » ou, Il y en a plein, ouais. Il y en a beaucoup, beaucoup qui viennent grâce à ça. Et c'est chouette parce que ça fait des thunes, mais oui, car le podcast non, donc ouais, clairement. Voilà. Mais non, mais c'est chouette parce que déjà personnellement, le podcast m'a beaucoup, beaucoup apporté parce que globalement, ce que je fais là-dedans, c'est je projette mes angoisses sur les invités et je fais en sorte que mes problèmes deviennent leurs problèmes. Mmh, c'est vrai. Pas du tout ressenti, pas ressenti comme ça. Du coup, mais ouais, du coup, ça m'a fait avancer sur plein de choses. Ça m'a donné des perspectives que j'avais pas avant. Ça m'a, ouais, vu que je. Concrètement, de base, je l'ai lancé parce que je voulais parler avec des gens comme Ken Kojandi, comme Thomas et tout. Et, tu l'as rencontré Cœur de Pirate. Aussi. C'est surtout ça. Sois pas jaloux. On a été les marches qui t'ont permis d'accéder à Cœur de Pirate. Alors c'est que ça. Moi, j'ai juste eu à être pote avec Monsieur Poulpe et il l'a ramené à mon anniversaire sans que je le sache. C'est-à-dire que... À ton anniversaire Tu vois ça. Il a fait voilà, bah, je suis avec Cœur de Pirate. Ah bah, je la connais pas, mais c'était assez. Elle était ici. Du coup, elle a pas pu entrer. Si, si, elle est rentrée. Elle a touché cette pièce. Et oui, ouais, oui, moi je suis arrivé après, donc elle est pas restée longtemps du coup, je pense. Non, parce qu'elle savait pas non plus. Donc il y a eu un moment très gênant où il y a quelqu'un de très connu dans ton salon, mais tu ne le connais pas, elle ne te connaît pas et elle n'a pas envie d'être là, je crois. Et vraiment, elle en avait strictement rien à foutre d'être à mon anniversaire. Il m'a fait la même chose la semaine dernière, Monsieur Poulpe. Ah ouais, ouais. Moi, je le connais même pas, quoi. J'ai ouvert la porte de chez moi et il y avait Cœur de Pirate. Je connais qu'une seule de ses chansons, tout le monde était gêné. Elle n'a même pas participé à la cagnotte Litchi, moi, Cœur de Pirate. C'est-à-dire qu'elle est venue, elle a chopé une binouze. Avec le blé qu'elle se fait, c'est dégueulasse. Pas un centime sur le lecteur Blu-ray qu'on m'a acheté, non, mais ça m'a vraiment énervé. Les humoristes, il paraît que vous, ils ne rient pas aux blagues des autres lorsqu'ils sont sur des plateaux. Alors, je trouve ça très précis. Coupable. Je sais pas. Bah, mais toi, mais tu détestes l'humour aussi. Ouais. L'humour et le rire. Il y a un truc, mais c'est vrai que moi j'ai déjà vu quelqu'un qui a un plateau d'humoriste. Moi j'y vais très peu, mais il m'est arrivé d'y aller. Et qui disait ouais, je t'ai noté quelques idées de trucs que tu pourrais faire comme ça. Est-ce que ça vous détestez? J'ai l'impression que Fanny peut-être un petit peu plus. En fait, non, je me suis posé la question en faisant ce bruit de pourquoi je faisais ça. Mais non, ça dépend parce que. Quand ce sont des amis à moi, je trouve ça super. Quand ce sont des inconnus, je trouve ça crevé. C'est intrusif. Oui. Mais ça arrive. Il y a déjà des gens qui m'ont expliqué mes propres blagues. Donc, Donc voilà. Il y a des gens qui ne captent rien à rien. Ah non, rien. Mais moi, je suis quand même public. Genre, si c'est drôle, je ne vais pas me dire « Ah non, c'est un autre humoriste. » Donc voilà. Mais c'est juste que des fois, tu vois un peu plus les ficelles derrière. Et des fois, tu es vite blasé parce que vu que tu en vois beaucoup, tu te dis « Ok, mais cette vanne, elle a déjà été faite par 200 personnes avant. » Donc peut-être prends-en une autre. Ouais. Mais les gens voient vraiment ce milieu comme Game of Thrones. C'est assez surprenant. Mais le public, quoi. Je pensais pas. Enfin, les gens sur Twitter, je pensais pas que. Non, mais j'ai l'impression qu'au contraire, les gens sont plutôt copains quand même. Ouais. En tout cas, il y a un peu des clics parfois. Oui, ouais, Belgique France, et Suisse, on est tellement pas. Peu qu'on est tous potes. Ouais. Paris, ça se bouscule un peu plus. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est bon enfant. Mais parfois, on rigole pas parce qu'on n'est pas. spectateur. C'est pas drôle. Enfin, c'est pas drôle, mais on est en train de préparer notre passage, ouais, ou on est stressé d'autre chose, ou on, effectivement, on a déjà vu le sketch la fois d'avant, donc on va rigoler s'il y a un truc incongru qui se passe. Bah là, on parlait hors antenne du Barbès où il y a Seinfeld qui est passé. Il y avait quasi que des humoristes dans la salle. Ouais. Ils ont rigolé, et on a beaucoup rigolé au passage d'après qu'un humoriste français qui s'appelle Warren Nichen, qui a fait toutes ses blagues sur le fait qu'il espérait que Seinfeld le voit, puis le prenne sur sa tournée, puis en fait il était parti à ce moment-là. Et donc là on riait beaucoup parce qu'on était tous à sa place. Mais c'est vrai que les blagues d'humoristes, c'est peut-être pas celles qui font rire le public. C'est, on a peut-être un truc un peu différent. Je sais que Yacine Bellous, c'est un des humoristes qui fait le plus rire les humoristes. Et puis parfois quand il nous fait rire nous, le public comprend pas ce qui se passe. Donc peut-être c'est pas les mêmes blagues qui nous font rire. Mais non, c'est pas Game of Thrones. Bah non, pas du tout. Gislain, après Game of Thrones dans l'ambiance, peut-être à Paris ça s'applique plus. Moi c'est un truc qui me parle, quoi. Quand tu dis Game of Thrones, bah parce qu'on est tellement dynastie, peut-être plus. Il y a tellement des centaines de personnes. Plus c'est un truc qui se fait seul, ce qu'on disait tout à l'heure, le stand-up. Il y a quand même de la frustration, il y a un peu de tout, quoi. Il y a de la frustration, il y a de l'hypocrisie. Après, moi je disais, je suis coupable de pas rire au passage des gens. Pas du tout, je me retiens vraiment pas de rire s'il y a une blague qui me fait rigoler, quoi. Mais c'est juste, moi je suis pas très bon public, plus quand tu passes ta vie à ça, quand tu passes ta vie sur les plateaux, ben au bout d'un moment quand même, je sais pas quoi, il y a une résistance un peu qui s'installe, quoi. Mais sinon, ouais, c'est pas que de la bonne ambiance, quoi, le stand-up à Paris. Et c'est pas non plus Dallas, c'est pas Game of Thrones, mais bon, c'est pas que de la bonne ambiance, quoi. C'est Art Laker à vif, quoi. Je sais trop. C'est une nounou d'enfer. Il y a peu de piercing, peu de piercing à l'arcade dans le stand-up à Paris. L'autre cliché, ça je l'ai lu sur un site américain des States. Il nous faut, il faut 5 ans pour trouver sa voix. Louis C.K. disait 25. 25. Ouais. Et ça c'est en se branlant devant des meufs. Ouais. Si t'enlèves ça, sur les 25, il y a 15 ans. Tu vois que maintenant t'es obligé de, quand tu cites Louis C.K., de dire il se branle au fait. Hein, ouais, je n'excuse pas. Hein. Je n'excuse pas qu'il se branle. Hein. Attention. Séparer l'homme de la branlette. Est-ce que vous avez mis du temps, vous, à trouver votre voix VOI. Mais comment, ça, comment on sait quand on l'a trouvé? C'est ça. Bah là, c'est moi qui le dis normalement. C'est, tu vois, c'est moi. Ça sert à ça le podcast. J'ai un petit tampon derrière et je vous dis. Non, vous pensez que vous êtes en... Toi, tu penses, Thomas, que t'es en train encore de chercher ta voix? Parce que toi, bah, j'espère. Moi, je déteste regarder ce que je fais. Quand je regarde ce que j'ai fait il y a 2 ans, je trouve ça nul. Il y a 4 ans, encore pire. Donc, j'imagine que ça veut dire que je progresse puis que j'avance. Et oui, j'ai l'impression que j'apprends encore mon job. Les 25 de Louis C.K., quand il avait dit ça, j'avais paniqué. Il se branle, hein. Il se branle. Hein. on rappelle. Et là, je suis à 8, je crois, depuis mes premières scènes. Et j'ai l'impression que j'ai encore plein de trucs à trouver et qu'il y a des trucs qui se mettent en place, mais que ça peut évoluer. Si t'as l'impression d'être arrivé après 6 mois, à mon avis, tu fais fausse route. Quoi. Ouais. Mmh. Ouais. Vous jouez régulièrement sur des plateaux, sur des trucs comme ça? Vous rodez beaucoup, Fanny? Ben moi, là, je tourne beaucoup avec le show complet, donc je fais vachement moins de plateaux. Donc, c'était quoi la question de base? Est-ce qu'avant ça, t'as beaucoup rodé? Est-ce que le rodage, c'est un truc important? Est-ce qu'il y a un peu de team? J'y reviendrai tout à l'heure, mais est-ce que tu testes beaucoup ou est-ce que t'écris beaucoup et après tu testes? Ou non, est-ce j'écris beaucoup. Moi, tout est vraiment au mot près, je sais pas improviser et tout, donc j'écris énormément de manière assez, ouais, assez précise. Mais pour. Comment dire? Il y a moins de plateaux aussi à Bruxelles, non? Oui, il y a moyen de jouer tous les soirs maintenant. Ah ouais? Quasiment, ouais, ça se développe vachement. Non, là j'aime bien et je trouve ça, c'est vraiment une chouette ambiance, il y a toujours les copains et tout, c'est cool, mais là moins. Mais pour rebondir sur ce que tu disais tantôt, trouver la voix et tout, moi ça fait genre 1 an et demi, ouais. Donc je suis un bébé, quoi. C'est, ouais. Je commence seulement à découvrir ce que c'est et il y a toujours des situations où, genre là ce week-end, j'ai eu mon premier gars qui quitte la salle pendant le spectacle, quoi. Oh. Et j'ai encore énormément de premières fois. Je me suis excusé. Juste un train à prendre. En rangeant sa teub. Et quand tu gères, c'est d'ailleurs quand il y a un gars qui se barre comme ça. Mais en fait, je l'ai pas vu pendant le spectacle. On me l'a dit après, okay. Donc ça va. Sympa de te discret. L'avoir dit après, c'était trop, ouais. Cool, quoi. Putain, il y a un mec, il est sorti pendant ton spectacle, il était trop vénère. Ah. Okay. Je vais pas faire de la surenchère, mais j'ai une anecdote mieux. Je surpasse tout ce que vous allez dire jusqu'à, voilà, la fin. Je faisais la première partie d'un collègue, c'était il y a 5 ou 6 ans, Nathanaël Rocha, qui est un humoriste suisse très drôle. Il est parti. Et il y a quelqu'un qui... Il y avait vraiment peu de monde, c'était difficile. On jouait à Genève, il y avait peu de monde, il y avait je pense une dizaine de personnes. Et il y en a un qui est parti pendant la première partie. Donc genre, pendant mes 5-6 minutes, il est parti. Et tu le vois, parce qu'il n'y a que 10 personnes, donc il y a quand même 10% du public qui s'en va. Et après coup, le placeur, enfin le type qui avait fait entrer les gens, il m'a dit « Oh, mais il est parti parce qu'il parlait pas français. » J'ai dit, ah bon, mais pourquoi tu l'as vendu une place? Ah, il voulait venir, c'est un touriste japonais, il voulait venir. En fait, il s'est branlé pendant que j'étais sur scène, puis après, il est parti. Ah! Mais qui t'a dit ça? Bah, le mec qui l'a vu partir, quoi. Je l'ai pas vu venir cette fois, je veux le dire. Bien, c'est surprenant. Il y a eu un vrai twist. Oui, un truc, ouais. Et en fait, c'était Louis C.K. Ouais. Avec un masque. Il y a eu un vrai virage. Mais du coup, ça t'a fait quoi? Bah, moi je suis pas venu, en c'est tout flatteur, cas. Non, ouais. Je sais pas. Bah, il y a un truc un peu. C'est un peu égoïste, j'ai l'impression. De je sa part. Je pense jamais au plaisir de l'autre. Oui, c'est-à-dire que si tu branles, au moins reste à la fin du show. Tu vois. Bah, pour serrer des mains, je sais pas. Bon, enfin. Écoute, je sais pas quoi en penser, ça nous a fait rire. Directement, on a su que ça allait être une anecdote marrante qu'on allait pouvoir raconter. Bah, je pense que c'est vraiment, il venait se branler sur toi. Ou alors. En plus, je pense qu'il s'attendait à autre chose. Puis une fois que j'étais sur scène, il s'est dit j'ai payé une place. Ah, mais peut-être t'as joué à Pigalle. Parce qu'à Pigalle, il y a plein d'anciens pipe-show qui deviennent des. Non, c'était à Genève. C'était à Genève, c'était un touriste japonais. Mais je pense qu'il s'attendait peut-être à autre chose, ouais. Et mais attends, comment t'as su au final qu'il s'était branlé? Parce que pendant son spectacle, ça fait. Et du coup, ça l'a mis sur la voie. Parce que le mec t'a dit non, il parlait pas français. Le mec, il est revenu, il a fait non, je parle très bien français. Je suis branlé. Les fausses rumeurs. Non, il y a le technicien au fond de la salle, je crois qu'il l'a vu. Waouh. Parce que comme c'était un vraiment petit show avec le monde. Tu l'aurais spoté pendant ton passage, là, d'un coup, comment t'improvises sur ça? Monsieur, vous êtes en train de vous branler? Je sais pas comment j'aurais fait. Je serais soulagé de pas l'avoir vu. C'est dur d'improviser là-dessus parce que c'est tellement déjà énorme le truc. Que... Ouais. Donc rassure-toi, Fanny, ça se trouve, le mec se branlait tout simplement. Rassure-toi, tu vois. Il est parti après combien de temps? C'est ça qui va jauger. Mais c'est vrai que dans les salles un peu difficiles, moi, c'est un ami d'un humoriste qui m'a raconté ça. Que la personne, il y a des gens qui parlaient pendant. Donc la personne fait s'il vous plaît, les gars. Et il y avait pareil, 10 personnes, pas, même moins, peut-être 5-6 personnes. Il dit s'il vous plaît, arrêtez de parler, c'est un peu chiant. Si vous voulez parler, sortez en fait. Et les deux se sont levés et se sont barrés. Donc il y a un peu un froid. Il fait s'il y en a d'autres qui veulent partir, qu'ils partent. Hein. Et toute la salle s'est barrée, oh apparemment. Oui. Parce qu'en gros, c'était 6 personnes et il y avait 3 couples en gros. Donc les deux autres couples ont fait go alors si on a le droit, si l'humoriste nous donne l'autorisation. Donc ouais, un petit peu dur ce genre de choses. Il a dit s'il y a des gens qui veulent se branler, vous pouvez venir. Là, il y a 15 personnes qui sont venues, donc c'est cool pour lui. Mais si c'est au chapeau, c'est dur. S'ils avaient déjà payé leur place, t'as congé plus rapidement. C'est là où on voit Thomas Wiesel. Le comptable. Vous avez déjà eu des donc toi tu viens de me dire oui, mais est-ce que je sais pas, Gislain, t'as déjà eu des salles très vides et du coup c'est un peu difficile? Est-ce que t'en joues déjà quand ça arrive, des plateaux pas forcément? Très vide, sur les plateaux ça arrive des fois de jouer devant 3-4 personnes. Ça sert à rien, c'est dur, c'est un peu une perte de temps, voilà. Mais au début, t'as pas le choix quand tu démarres. Maintenant, quand ça fait quelques années, tu joues avec, quoi. Oui, parce que l'idée, quand sur les plateaux, c'est de tester. Donc si tu testes devant 4 personnes, tu testes pas vraiment. Il y a un peu ça quand même, non? Mais quand tu démarres, il y a des salles très tristes, quoi. Par exemple, à l'époque, c'était les Labos du Paname. Ah, j'allais parler de ça. Fallait ramener une ou deux personnes, quoi, pour pouvoir jouer dans le public. Donc en fait, t'avais 4 humoristes qui jouaient sur un plateau et le public, c'était ou deux potes de chaque humoriste qui sont là, qui s'emmerdent parce qu'ils voulaient pas rigoler, quoi. C'est des gens qui leur disent « S'il te plaît, viens, sinon je vais pas pouvoir jouer, machin. » Ils se font chier et donc c'est des... Du coup, c'est des rires localisés. C'est chaque fois, ça rit à gauche pour le premier. Exactement, voilà. T'as toujours les deux potes du comique qui est sur scène qui rigolent, les deux autres qui s'en battent les couilles. Il est 17h, donc. Et tu fais ça, et une fois que tu as terminé, tu redemandes une date pour le refaire la semaine d'après, en espérant qu'un truc magique se passe, quoi. Ça, c'est une méthode américaine, un peu, j'ai l'impression. Enfin, je regardais la série Crushing. Où c'est ça, ouais, tu dois ramener des gens de toi-même. Ils appellent tout, ça les Bringer Shows, je crois que ça se fait beaucoup à New York, quand même. C'est vrai que le concept. Dur. Même tu payes des fois, tu dois payer pour jouer et tout, ça c'est assez ouf. Ça en France ça se fait pas. Enfin, non, je pense pas. Je sais pas, moi j'ai jamais eu ça. J'ai l'impression qu'on est vachement bien servi en France par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Quand t'entends des Américains qui viennent à Paris et qui discutent de comment ça se passe là-bas, c'est déjà super dur à Paris, mais j'ai l'impression que c'est quand même vachement plus facile. Là-bas, le temps de scène, c'est une denrée rare. Quoi. C'est 5 minutes de scène, c'est le Graal au début quand tu commences. Oui, et puis tu payes pendant les deux premières années. Quoi. Tu payes deux bières pour pouvoir monter. C'est, ça a l'air vraiment l'enfer. Toi, t'as déjà fait des scènes, donc à part le mec qui se branle évidemment, mais t'as déjà fait des scènes un peu compliquées. Le comme mec ça. Qui se branle qui est une salle, on précise. Le mec qui se branle. Mais pas de beau, elle a ouvert en même temps que la salle de Farid, donc personne n'y va. Personne n'y va. Écoute, il y a peu de plateaux en Suisse, pour être honnête. Donc en général, quand il y en a, il y a du monde. Moi, j'ai déjà eu une expérience une fois avec mon spectacle, c'était au début quand on ne me connaissait pas, où je devais jouer dans un hôtel-restaurant et c'était un repas-spectacle. Et un mois avant, ils appellent mon manager pour dire que c'est annulé parce qu'il n'y a que 3 réservations et qu'ils vont repousser de 6 mois. Donc on repousse la date de 6 mois. 6 mois. Ouais, pour que, le temps que les gens sachent que je joue. Et 6 mois plus tard, ils l'ont annulé. Donc je pense qu'il y avait moins que 3. Je pense qu'on a perdu des gens. Les 3 n'étaient pas dispo. Ouais. C'est les fêtes de Noël. Ça, c'était un peu dur. Toi, Fanny ? Moi, les plateaux à Bruxelles, ça va. En général, il y a du monde. Mais ouais, des fois, il y a eu clairement des moments où le public et moi, on ne s'est pas compris. Ils n'ont pas compris pourquoi j'étais là. Je n'ai pas compris pourquoi j'étais là. Et c'était très gênant. Et d'ailleurs, une fois, j'ai fait une date au Paname, justement, à 17h. Il y avait genre 8 personnes. Et je me suis demandé si les gens parlaient français tellement il ne se passait rien dans leur regard, quoi. Ah oui, il y avait oui, parce qu'il y a pas le Paname pour les gens qui n'y sont jamais allés. C'est une salle à Paris qui est un comedy club qui est assez petit, ouais, et qui est très lumineux. Enfin, tu vois beaucoup les gens. Enfin, c'est difficile. C'est bien pour les humoristes timides comme nous trois. C'est, c'est vraiment des lieux d'exception. C'est ça. Et qui a un, oui voilà, qui a un style un petit peu, mais qui est assez connu à Paris pour le coup. Parce il y a que beaucoup c'était de le gens. Seul à une époque, donc ouais, tout le monde passait là-bas et puis un peu ouais, c'est le passage obligatoire quand tu démarres et que tu arrives à Paris et tu ouais, tu joues à 17-18 heures, puis tu dis plus jamais je fais ça, puis tu le refais quand même. Oui, parce que quand ça passe bien, pour le coup, tu dois être vraiment content si ça se passe bien à 17h. Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est vraiment que tu dises, je me demandais si les gens parlaient français. Moi, j'ai eu une fois où les gens ne parlaient pas français. Où ils branlaient tous par contre. Le langage universel de la branlette. Non, mais c'était une privée. On fait beaucoup ça en Suisse, des privés. Et là, c'était une entreprise qui faisait des matelas haut de gamme. Et ouais, c'était quelque chose. Bah, au moins, t'es très bien payé. J'étais bien payé, ouais. Et c'était leur repas de Noël, etc. Et je crois déjà, il y a un premier problème, c'est qu'il y a eu des intoxications alimentaires, donc les gens allaient beaucoup aux toilettes pendant que je jouais, parce qu'ils vomissaient, enfin, il y avait un vrai problème avec la nourriture. Et juste se branler dans les toilettes. Ouais, de toute façon, un liquide corporel qui sort, c'est pas important. Okay. That's what you do to people. Exactly. Et à un moment donné, j'entendais un espèce de chuchotement, dès que je faisais une blague, un chuchotement, et ça me dérangeait, donc normalement je m'arrête, je fais bon, qu'est-ce qui se passe et tout, puis on est juste en train de traduire les blagues parce que la moitié des gens ne parlaient que portugais. Portugais, c'est très précis. C'était que des portugais. Ouais. Moi, du coup, est-ce que t'as fait des blagues sur les matelas exprès pour eux ou pas? Oui, bah oui, j'avais écrit, bien sûr. Ouais, j'aimerais vraiment que si tu as encore le texte, les lire, que des blagues sur les matelas, c'est un beau challenge quoi. Alors, je pense que c'était nul parce que c'était vraiment il y a longtemps. Mais... J'ai justement, tu m'offres une transition sur tout simplement un plateau repas. C'est, les gens disent, vous êtes obligés de faire des blagues sur la ville dans laquelle vous jouez. Genre, si vous êtes à Dijon, c'est genre, ah oh, bah dis donc, le tramway. La moutarde, les gars, ou quoi? Attends, je vais noter parce que il moutarde de vous faire rire. Ah oui, c'est vrai que toi tu fais quelques dates en France là. Ouais. On peut les trouver hein, si tu veux. Tu fais quoi? Tu fais Lyon? J'ai Lyon, Toulouse et Cournon d'Auvergne. La dernière, on va avoir du mal. Cournon d'Auvergne, non, ça va, c'est facile. Tous les clichés qu'il y a sur Cournon d'Auvergne. On les connaît, on les connaît. Je sais pas, la page Wikipédia de Cournon d'Auvergne, elle est touffue. Non, mais tu sais, il y a un peu ce cliché de tu te balades dans la ville l'après-midi pour essayer de trouver des vannes, tu ouvres le journal, ce truc là. Sauf que là, t'as appelé 3 humoristes qui sortent pas de chez eux. Clairement, non. Ah, moi, je sors chez moi, mais sur Internet. Tu des blagues sur l'hôtel, mais c'est tout quoi. Ouais, moi, je reste dans l'hôtel, mais ouais. That's my boy. Ouais, non, mais quand alors... vous êtes arrivé sur Paris, est-ce qu'il a fallu faire des blagues sur le RER? Ouais, le problème, c'est que tout le monde à Paris fait des blagues sur Paris, donc il n'y a pas besoin. Si tu veux te démarquer, t'es pas obligé. Ouais. Mais en tournée, moi j'adore. Mais alors, moi ce qui me dérange dans ce cliché, c'est d'être obligé. T'es pas obligé, tu fais ce que tu veux. Ouais. Mais aller dans une ville, parce que moi ensuite je vais jouer dans des villes où il n'y a pas de théâtre, où, c'est vraiment des petites villes, des villages. Ouais, je vais jouer n'importe où. Et du coup, quand tu fais des blagues sur eux, quand tu regardes ce qu'a fait le maire il y a 4 ans, les machins, quand tu te renseignes sur la querelle du village, eux ils adorent. Et moi je trouve ça cool en plus. C'est un bon moyen de se mettre les gens dans un poche aussi quoi. Et puis t'es comme... pas obligé, mais c'est cool quoi. Mais même sans ça, c'est des blagues que tu peux faire que là-bas. Moi je trouve ça. Ouais. Enfin, après, moi je suis pas humoriste, mais je trouve et ça comme cool. Exercice d'écriture, c'est très cool. De l'après-midi prendre une info, d'en faire une blague le soir, tu la joues, puis après voilà. Ça rafraîchit un peu ta routine de traîner tes mêmes blagues d'une ville à l'autre. T'as déjà fait un peu de tournée toi, Gisela? Pas beaucoup. J'ai déjà, j'ai déjà joué dans d'autres villes que Paris, mais pas énormément, peut-être une dizaine. Et c'est un truc que j'ai jamais fait, mais j'imagine que ouais, ça doit vraiment plaire. Là, il y a 2 semaines, je suis parti au Luxembourg. Oh putain. Et la personne qui organisait ça m'a dit ça serait quand même vraiment bien que vous écriviez quelques blagues sur Luxembourg et tout. Et j'ai préparé quelques blagues sur les Luxembourg que j'ai testées au Paname, je les ai testées à Paris. Ah mais putain, t'avais fait une story. Je les ai même foutues sur internet. Et ça marchait pas mal. C'était drôle en plus, ouais. Ouais, non, ouais. Ouais, ouais. Même et à Paris. Je suis allé au Luxembourg et je les ai pas faites. Voilà. Con putain. C'est comme la branlette, on s'attend pas à cette chute là. Ah ouais, là j'avoue. Non mais c'était bien en plus, putain. Je vais faire un peu ma tête de con. Mais donc du coup, j'ai jamais fait ça. Mais oui, j'imagine que ça doit bien marcher. Bah oui, oui. Il y a des différences de public quand vous jouez dans un autre pays. Alors du coup, pour les Suisses en France, pour les Belges en France et pour Ghislain en Luxembourg, est-ce qu'il y a des différences de public ou absolument pas? Alors, le rire, c'est universel au final. Bah non. Eh, pas du tout. J'aurais aimé cette belle utopie. Non. Moi, je pense que c'est surtout des différences capitale-province. Ouais. Ouais, ils rigolent pas aux mêmes choses et j'ai des trucs qui passent pas du tout quand les gens sont pas prêts à ça, quand les gens consomment pas énormément de spectacles, ils veulent juste aller rire, se taper sur la cuisse et tout, et moi j'arrive là avec mes blagues sur le fait que j'étais terrorisée par Marc Dutroux quand j'étais enfant, ils font ah non, je serais pas payée pour ça. C'est en Belgique, Dutroux, c'est difficile de faire des blagues. Ouais. Mais c'est pas des blagues que je fais, c'est je démarre le spectacle en parlant du fait que j'étais vraiment terrorisée, donc et les gens ils veulent un truc un peu plus. Les gens disent bah nous aussi. Facile d'accès. <c'est ça. rire> Nous aussi on a peur. À main levée. Moi depuis que je l'ai vu faire, j'en ai parlé dans le dernier podcast, mais depuis que je l'ai vu faire des glissades en prison, ça va beaucoup mieux. C'est la meilleure vidéo. Ah, je pas pensé il à fait des petits, il fait des petites glissades. Il fait du foot aussi. Il joue tout seul. Il joue au foot. Et il joue au foot tout seul. Mais ouais. Oui, parce qu'il est en isolement. Personne il a veut jouer. Non, mais il a pas les pauses au même moment. Il est tellement les pires conditions de détention, c'est qu'il a pas les pauses au même moment que les autres détenus. Ah oui, sinon il donc il y a le ballon, il y a la cour, mais il y a que lui. Donc tu le vois et les autres le filment. Oui, ça pourrait mettre un panier de basket quoi, putain. Plus facile. Il avait demandé un coiffeur à un moment donné, ça a été refusé, non? Il a demandé. Donc il a des draines en plus maintenant. Oui, il a vraiment, il a une grosse barbe. Ouais. Ouais. Il a demandé aussi d'être libéré. Et pareil, personne n'a voulu. Pas un oui. Donc ouais, non, le parce que vous, je pense à vous deux. Vous avez un spectacle en ce moment à Paris. Est-ce que le public est plus réactif ou parce que du coup, Marc Dutroux en France, on adore. Oui, mais je sais. Ça passe c'est bien. Genre, ouais. Oh bah alors là, c'est belge avec leur tueur en série. Il y a un peu ce truc là. Non, moi j'ai toujours trouvé ça assez chouette à Paris. Les gens étaient. Maintenant, j'ai fait que quelques dates, donc peut-être parce que c'était le début et donc c'est les gens qui voulaient vraiment me voir et donc ils sont peut-être plus vite acquis. Mais ouais, possible. Aussi. On verra dans 2-3 mois si je chiale. Mais je crois que c'est pas des différences géographiques pour moi le principal entre les publics. Effectivement, à Paris, les gens qui payent des places pour voir ton spectacle, c'est tout à fait un bon public. Ils sont curieux, ils aiment ce que tu fais. Après, d'un plateau à l'autre. Ça peut être des publics très homogènes, et là, t'as des mauvaises surprises. Des fois, t'as des publics très street, très rue, dans certains comedy clubs, d'autres très bobos. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de différence entre deux publics parisiens à trois arrêts de métro que quand on fait deux heures de train, où ça peut être plus homogène, hétérogène. Moi, j'aime bien justement un public où il y a des vieux, des jeunes, des campagnards, des gens de la ville. J'aime bien quand c'est très mélangé, parce que t'auras des aspérités un peu partout. Quand c'est tout le monde la même chose, bah, c'est le cas quand tu vas jouer dans des entreprises, souvent. T'as plus de chances de passer à côté parce que soit tout le monde rigole, soit personne. Donc c'est plus difficile, je trouve. Les blagues sur les matelas, par exemple, c'était pas le meilleur truc de ma carrière. Ouais. Puis comme je dis ça, je les ai écrites, mais après je pouvais plus les refaire. Quoi, parce que Ou alors en portugais, quoi. Ouais. Sinon, il y a aussi des différences de sessions. Quand on fait deux sessions, la première qui a été mise en vente, le public est en feu. La deuxième, c'est ceux genre ils ont réservé parce que leur pote y allait, machin. Et donc c'est en général vachement plus dur, je trouve. Ah, la supplémentaire par rapport à... Ouais, ouais. Ah, je me suis jamais fait la réflexion. C'est juste, elle voulait juste placer qu'elle faisait des supplémentaires. C'est juste parce que je déteste me déplacer, donc quand je suis sur place, je... T'optimises. C'est ça. L'autre cliché, c'est ils sont obligés de faire autre chose à côté, entre parenthèses, chronique, podcast, cinéma, tout ça. Mais les gens savent que des fois, on fait des choses parce qu'on a envie. C'est ça, c'est très négatif. Ah, la honte, il fait des chroniques, oh, le loser. Oui, bon, c'est cool. Un petit peu dur. Ils sont obligés. Ils sont obligés de faire plusieurs choses et d'être ouverts d'esprit, quoi. La honte. Non, mais bon, je... Qui est la merde qui a dit ça? On peut dire publiquement son non, Twitter, non, là, pour qu'on insulte. C'est du bullying, Adrien, ce que tu fais. Ouais, bah ouais, et ben... On est obligé de faire du bullying. Il va être obligé de se cracher dessus. Non, mais enfin, vous faites des choses à côté. Alors, du coup, je vais essayer de reformuler la question de l'auditeur, mais... Ouais, c'est trop tard. Ouais, c'est trop tard. Non, mais est-ce que en tout cas vous kiffez faire des chroniques? Par exemple, Fanny, toi, tu as une chronique depuis peu chez France Inter, oui. Oui. Qui est un exercice qui peut être comment dire compliqué à appréhender. Ouais, c'est très différent. C'est très. Moi, j'aime bien sur scène installer des choses sur le temps un peu plus long, prendre le temps, ne pas mettre une vanne toutes les 3 secondes. Et en chronique, c'est un peu obligé d'être efficace, quoi. Plus dur, c'est peut-être Nagui qui coupe la parole, non? Il y a ça aussi. On coupera des choses, hein, t'inquiète pas. Pas encore. Moi j'y bosse plus, donc je peux dire. Oui, c'est un peu. Ça demande de s'habituer. Ouais. Non, mais il le sait. Une chronique sur deux, les gens font une blague là-dessus. Quoi, ouais, donc, ça ouais non, c'est un exercice qui est très différent. Et aussi, c'est une rigueur qui est ouf. Moi là, j'ai une le mardi chez Inter, une le jeudi en Belgique. Et faut y aller, quoi. Faut vraiment écrire beaucoup, et c'est pas du tout un rythme auquel j'étais habituée avant. Quand tu fais du stand-up, en général, t'as un spectacle, après t'es un peu plus chill, tu peux modifier des choses, mais t'es un peu en vitesse de croisière. Et là, ouais, c'est se forcer vraiment à. C'est se prendre des angoisses la veille à 22h en se disant, mais en fait, mon angle il est pas du tout bien, là faut que je change. Donc. Les invités aussi, c'est un peu flippant de dire est-ce que cet invité-là va se marrer, est-ce que cet invité-là. C'est Fabrice Eboué qui disait que lorsqu'il faisait Fogiel. Il était dégoûté parce qu'il passait entre un mec qui s'était fait violer en prison pendant 30 ans et maintenant Fabrice. Et il était là genre waouh. Et en plus lui il faisait un peu de l'humour noir, un peu trash, ouais. Donc du coup Moi ça c'est quand tu fais des si tu fais des portraits de l'invité, ouais, tu t'es un peu inquiet de savoir si c'est un bon client ou pas, mais si tu fais ta chronique en général, ouais. C'est plutôt les collègues, quoi. Et l'animateur. Bah là pour le coup Nagui c'est un bon client parce qu'il rigole, il coupe la parole quand mais écoute, il rigole, ouais. Non mais j'imagine un invité qui rigolerait pas ou des trucs comme ça, moi ça pourrait me scier les pattes, quoi. Ou qui est même sur son portable ou des trucs comme ça. Moi j'ai juste peur qu'il se vexe des fois, parce que vu que c'est souvent genre des invités assez vieux quand même, et moi je m'en bats les couilles de, ouais. Genre des grands acteurs français, mais genre, je les connais pas, c'est pas ma génération, donc j'ai pas la pression, et du coup je fais des vannes dessus, mais ouais des fois on m'a déjà dit fais gaffe qu'il se vexe pas, parce que ouais. Ça va mal la foutre, la meuf de 25 ans qui débarque et qui est en mode non, il est has-been. Bah oui, c'est vrai, mais quand même. Mais c'était quoi au grand journal Ornella Fleury. Ouais. Vous savez, vous avez autour de la table quelqu'un qui a proposé des vannes à Ornella Fleury face à John Hale. Donc moi j'ai fait ça. Et puis elle les a pas prises. C'était celle-ci. Elles ont bien marché à l'international, elles ont eu un beau succès. Et beaucoup de vues. Non, en gros Ornella avait un texte. Ornella avait un texte très très trash. Et en vrai, moi, je l'ai un peu adouci, et ça n'a pas été assez, visiblement. Mais t'avais ce truc un peu de, en fait, elle avait un peu roasté Jonah Hill, ouais. mais Jonah Hill n'était pas du tout venu pour ça. Et c'est vrai que nous, on sortait du roast de James Franco, où on était pris plein la gueule, ouais. Jonah Hill, hein, le roast enfin, pour les gens qui savent pas, les roasts, en gros, c'est des événements où les gens s'envoient des vannes très méchantes sur la carrière et la vie personnelle des gens. Mais les blessures, hein. Voilà, et sur les blessures, ouais, et tout le monde le fait. Tout. Et Ornella Fleury avait voulu un peu faire ça à Jonah Hill, et du coup, moi, j'avais proposé d'adoucir certaines vannes. Tu vois, elle avait des blagues sur James Franco. Genre, il y avait un truc genre. J'aimerais trop qu'on. Je suis fan de vous, j'aimerais trop qu'on se voit et je me tape DiCaprio et vous filmez. J'ai plus exactement la blague. Non, ouais, c'était. On se retrouve dans une chambre d'hôtel, vous faites venir DiCaprio, vous Brad Pitt et après vous vous barrez. Et vous partez, voilà, c'est ça. Et elle l'avait fait avec James Franco. Et tu vois, j'avais dit ah, James Franco, il va mal le prendre parce que c'est pas un beau gosse connu de tous. Mais DiCaprio, comme ça, il se vexera pas. Donc ça a bien marché. Très bon conseil. Si vous cherchez des auteurs sur Paris, n'hésitez pas à m'appeler. J'ai le flair, le pif. Et voilà. Mais ce qui est terrible dans cette histoire, c'est shitstorm après. Il y a eu un petit shitstorm. Après, il y avait une autre chronique avant qui avait pas aidé. Du coup, sur le plateau, il s'est passé quoi ? Bah, il était de mauvaise humeur. Il a de mauvaise humeur. Il a fait 2-3 vannes un peu vénères que personne n'a relevé. Un peu, ouais, très bien sexiste. Tu vois, en gros, elle disait. Mais ça, c'est la télé française, non ? Ouais, c'est... Bah... Ouais, c'est un américain. Non mais là c'était lui, hein, des States. Ouais. Et non mais en gros il y avait un truc où elle disait, elle parlait de certaines scènes de certains films, elle parlait de la scène où il se fait domso par un démon dans This Is the End. Spoiler. Et lui il lui a dit un truc genre ouais, bah, vous aussi vous avez bien dû vous faire enculer pour en arriver là, un truc comme ça. Enfin ouais un truc comme ça. Bah, un truc un peu vénère et tu fais genre. Ouais, c'était bien trouvé quand même la répartie. La répartie était bonne. Professionnel. Voilà. Et donc, il avait pas annulé un truc, il avait pas prévu un truc le lendemain, la semaine d'après. Le lendemain, il a annulé. Alors, les gens pensent que c'est lié, moi je suis pas certain, mais qu'apparemment la vanne l'avait tellement vexé qu'il avait annulé toutes ses interviews du lendemain à Deauville. Le vraiment des petites natures. Voilà. Le mec soit anéanti par ça. Barack Obama déclare la guerre à la France. Ben merci Flaubert. Est-ce que toi, t'as fait des chroniques aussi à quotidien? Ouais. Et t'en as pas fait beaucoup, t'as vu. Non. T'as remarqué aussi. Mais c'était un choix de ta part. Non. Oh merde. Donc je note à 51 minutes. Non mais est-ce que cette expérience qui t'a plu en tout cas? Est-ce que écrire de la chronique c'est un truc qui t'a plu? En télé c'est encore plus difficile. J'ai fait beaucoup, de chroniques en dehors de quotidien. Quotidien je crois que j'en ai fait 9. Mais tu fais de la chronique télé? En Suisse, j'ai fait un peu de télé. Ah, j'ai eu un late show en Suisse. Mais oui, mais énorme, on va en parler. Énorme succès. Donc on va peut-être pas en parler, mais des gens n'ont posé des questions. Mais la chronique télé, alors ce qui était difficile avec Quotidien, c'était. Moi j'étais habitué à la chronique radio où tu te focalises sur le texte et genre est-ce que je livre bien mon texte, les blagues sont bien livrées, machin. Et la chronique télé c'était regarde là, mais pas trop là, de temps en temps là, et puis, ouais. Sonne, et puis souris, et puis machin, n'ait pas l'air trop tendu. Et moi c'était beaucoup trop de contraintes en plus de ce que j'avais l'habitude qui était bafouille pas, dis pas de la merde. Et envie de venir. Ouais. Et le fait de devoir montrer que tu t'amuses, le fait de, je sais pas si je devais regarder Yann ou regarder mon prompteur, et le fait de voir le public derrière, du coup, qui parfois rigolait, parfois pas. Des fois, t'as un chauffeur de salle qui te lance une applause. J'avais pas fini, maman. Il y avait beaucoup de contraintes en plus, puis j'ai pas eu le temps de devenir bon, et voilà. Après, j'ai été remplacé. Mais c'est constant dans ta carrière, non? C'est vrai. Non, mais laissez-moi encore 5-6 ans. Qui t'a remplacé, du coup, tu sais? C'est... Alors. Jonathan Lambert, je crois, dans les okay. fêtes. Et bien donc du coup, dans ce que t'as fait en... Est-ce que tu préfères l'exercice radio, du coup? En termes d'écriture, moi, c'est plus simple, parce que j'écris ma chronique, je peux la finir 2 minutes avant, et puis je la fais, tandis qu'en télé, il faut donner les textes, parce qu'il y a des top caméras, machin, si t'as des trucs... Faut essayer de... Ils aiment quand tu mets des images, des vidéos, donc c'est un peu... C'est des trucs avec lesquels je suis moins à l'aise, mais peut-être parce que je l'ai moins fait. Mais oui, la radio, j'aimais bien. La radio, j'aimais bien, mais ce qui m'a énervé au bout d'un moment, c'est comme Fanny, c'est le délai, quoi, de dire bah toutes les semaines, même s'il n'y a pas d'actu, même si j'ai pas d'inspi, parfois 2 à 3 fois par semaine, tu dois chier ta chronique. Et donc j'ai tout arrêté pour le moment. Ouais, mais en plus, il y a un truc, j'ai l'impression que c'est très chronophage quand même. Moi, j'ai, ah, il fait que ça. J'ai aidé Laura Felpin pour sa première chronique, sa toute première où elle faisait parler d'écologie. Et en fait, dès la deuxième, j'ai fait ah ben je ne vais pas le faire en fait, je vais arrêter tout de suite parce que Laura est super et c'est super de travailler avec elle. Mais en fait, déjà il y avait un truc que j'avais pas du tout prévu, mais qui est là, qu'il faut s'intéresser à l'actu en fait, ah oui, qui est vraiment un truc qui moi me saoule. Toi, c'est un truc qui t'exciterait pas, Ghislain? Pas, enfin ça me, si ça pourrait m'intéresser. Enfin déjà moi le déjà pas grand chose t'excite, parce que depuis qu'on non, te pose des questions, ça m'aurait beaucoup surpris que tu dises ouais, grave. Je dis très facilement non. Non, mais déjà. Non, mais moi, est-ce que l'exercice peut t'exciter ou pas du tout? En ce moment, en fait, ça pourrait. Moi, faire des vannes sur l'actualité, c'est un truc qui m'a toujours un peu pas trop intéressé. Et puis, j'ai eu à le faire récemment, et en vrai, j'étais surpris parce que ça m'a vachement intéressé. Maintenant, j'ai envie de le refaire, quoi. Mais si je faisais des chroniques, je le ferais, voilà, pour remplir ma salle, quoi. Mmh. Ça serait plus un moyen de remplir ma salle que vraiment une fin en soi. Et puis, moi, j'ai l'impression que ça doit être. Enfin, je sais pas comment ils font, hein, les gens qui écrivent des chroniques, mais quand je vois le boulot que c'est pour avoir 5 minutes correctes de texte sur scène, si c'est pour avoir 5 minutes toutes les scènes, c'est un boulot à temps plein, quoi. Donc si c'est une fin en soi, moi je pense que pour faire une bonne chronique de 5 minutes, ça doit être des dizaines d'heures de boulot, quoi. Je sais pas combien de temps ça vous prend, mais ça doit Moi j'ai rarement fait des bonnes. Oui, c'est ça la solution. Bah, secret, non, non, mais il la solution, c'est de faire juste la durée où ils se disent pas que t'abuses, mais ouais, toi, t'as pas écrit beaucoup. Ouais. Tu fais 2 minutes 40 et ils te foutent la paix. Bon, après, Nagui parle 2 minutes, donc ouais, c'est 4:40. Puis alors, si tu dois faire une chronique sur l'audace, tu peux pas juste dire c'est ça et partir. Ah. Quoi. Ah, c'est ça. Non, mais il paraît qu'il y a un truc par contre où il faut se détendre sur la qualité. Que quand tu fais toutes les semaines, tu dis bon, bah vas-y, je vais pas. Ou alors il faut se détendre sur le besoin de dormir. Il y a un des deux. Mais d'un côté, si tu tombes assez vite dans le ouais, mais c'est bon, je fais 2-3 blagues, tu prends les mêmes mécaniques à chaque fois, ouais. Et t'as vite tendance à t'installer dans un truc de je ferai mieux la semaine prochaine, et puis tu fais jamais mieux parce que t'as toujours bien une bonne raison de bosser sur autre chose à la place. Donc c'est. Faut trouver un juste milieu, ouais, c'est ça. Non, mais le Lorne Michaels du SNL, il dit tout le temps on fait pas les sketchs parce qu'ils sont prêts, on fait les sketchs parce qu'il est l'heure. Il est 10h30. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être un peu ce truc-là. Oui. Mais en fait, il y a un truc hyper ingrat. J'aime bien me comparer au SNL aussi. Moi, c'est ma seule ref, je la sortirai encore 3 fois. Il y a aussi un truc un peu ingrat de la semaine dernière, j'avais rien, vraiment, j'étais pas capable, rien ne venait et. J'ai passé 1 heure dans le Thalys, j'ai torché un truc mieux que ce que j'avais fait sur 2 jours à essayer de trouver des idées, quoi. Bah oui. Et à un moment, tu fais, mais putain, niquez-vous, quoi. Y a pas de justice. Non, c'est hyper frustrant. Ouais, mais est-ce que t'aurais fait un truc si bien si t'avais pas fait tes deux heures de merde avant aussi, tu vois? Des fois, c'est ouais, ça. Ouais, c'est possible. Mais on sait jamais comment ça fonctionne. Ah, mais c'est nos tafs, ils sont en géométrie variable. Des fois, tu passes 4 heures, tu fous rien, et en 10 minutes, tu torches le truc. Il faut vivre avec. Ouais. Les humoristes seraient méchants. Moi j'aime bien parce que ça va être de pire en pire ces trucs. C'est ton petit cousin là qui a pas aimé. C'est des gros pépères poilus. Bon allez. Non mais je pense que c'est quelqu'un qui un jour est allé voir un spectacle et qui lui a dit, on s'est moqué de lui sur scène peut-être. C'est peut-être ouais, ça. Peut-être. Bon c'est toi. C'est toi. Non, c'est toi Flan. Non, mais moi qui s'est moqué de toi. Non mais je crois que je l'ai déjà raconté dans ce podcast et je suis désolé si j'ai déjà raconté, mais moi j'ai eu cette phase très bizarre avec Dedo. Qui quand même joue sur scène. Putain, moi aussi. Attends, on va voir. Et il l'a fait avec Elona aussi, mais ça c'est assez fou. Mais donc on va voir. Enfin, je vais voir Dedo. C'était au théâtre de 10h à l'époque. Et à un moment, il fait un peu de crowd. C'est à Pigalle, ça. Oui, c'est ça. C'est toi, tu pensais te branler tranquille. Non, mais donc je vais voir Dedo et il fait son spectacle. Et à un moment, il parle un peu avec le public d'un truc. Il parle d'un truc sexuel. Et donc du coup, il a un truc genre, bah allez, dites-le, machin et tout. Et il dit, bah toi, dis-le. Et il me pointe du doigt. Oh, sauf que j'ai déjà travaillé avec lui, moi, Dedo, à ce moment-là. Il a déjà joué dans des sketchs à moi. Donc j'arrive pas à savoir s'il se rend compte. Il dit, comment tu t'appelles? Il le sait, normalement. Donc, je fais, Florent. Et donc je dis ça, Florent. Il fait, d'accord, donc le gars, c'est pas comment il s'appelle. Donc rire du public, je fais, mais gars, je fais, vraiment. Et il fait, et tu fais quoi dans la vie? Donc je fais, bah, je suis scénariste. Ouais, je fais des sketchs dans lesquels tu joues, Dedo. Donc, non, j'ose évidemment pas dire ça. Je dis scénariste. Tu fais ok, scénariste. Donc, là, je pense qu'à ce moment-là, il a compris que c'était moi. Et j'ai vu sa captation qui est sur Netflix. Et pareil, il fait pareil avec Eleonore. Ah ouais? Eleonore, elle a un. Eleonore Cos, bah, vous le savez, si vous écoutez l'émission, elle a un rire puissant. Ah oui, oui. Et il parle de son rire. Et c'est Eleonore, quoi. Ah enfin, ouais. Tu l'as déjà vu. Et j'en ai parlé. Et il m'a dit, mais en fait, je suis tellement dans mon truc que évidemment, je vois pas. Alors qu'il m'a invité, hein. Voir son spectacle. Enfin, il savait, il y avait un truc où, dans un coin de son cerveau, il savait que j'étais là. Et il a quand même complètement zappé, quoi. Moi, ça m'est beaucoup arrivé. Tu fais du crowd work, après tu réalises que tu connais la personne, c'est horrible. Toi, tu fais du crowd work? Moi, c'est parce que tu connais toutes les personnes de ton public, non? C'est aussi ça. Suivant où je joue, ouais. Bah, par exemple, ma date à Lausanne de cette tournée, la ville où j'habite, c'était la pire parce que je voulais faire du crowd work. Et moi, je veux pas parler à des gens qui ont pas envie de parler. Parce que ça, je trouve ça angoissant. En tant que spectateur, je déteste. Donc je pose juste des questions et puis les personnes qui répondent, je leur parle. Et là, les seules personnes qui répondaient ou qui levaient la main, je regardais et je les connaissais toutes. Et tu peux pas, parce que tu peux pas mimer le fait de pas. Ah, et toi, comment tu te fais exactement ce qui t'arrive avec Dedo? Bah, moi, je sais pas faire semblant. Bah, il faisait pas semblant, je pense que c'était naturel. Ouais. Tu vois, il y avait un truc, il a pas fait gaffe, quoi. Mais... Alors, moi, quand ça m'arrive et quand je réalise que la personne, je la connais ou je l'ai invitée et tout, je dis que c'est réservé pour les personnes qui ont payé leur place, je lui fais un doigt d'honneur. Ah, bien joué. Ça, parce que je respecte beaucoup mes amis. Mais oui, ça peut arriver, effectivement, t'es sur scène, tu réagis à un truc, puis pendant que la personne te dit qui c'est, t'es là, ah, putain, je suis con. Mais t'aimes bien ça, toi, réagir avec le public? Moi, j'ai mis 7 ans à le faire, parce que j'avais peur, mais maintenant, j'aime bien, ouais. Toi, Gisard, tu le fais un peu ou pas? Non, moi, je suis dans les 7 premières années où j'ose pas. Je peux pas, vraiment, je suis pas... Faudrait que j'essaye à chaque fois, parce que c'est super efficace aussi. Ça donne un peu un truc de fraîcheur et tout, mais non, je suis très mauvais. Et en fait, mais ça me fiche, quoi. C'est-à-dire que les gens le voient tout de suite. Si j'essaye de faire de l'interaction, les gens le voient tout de suite. En fait, j'aimerais bien pouvoir en faire pour gérer un peu les trucs qui se passent mal, parce qu'il y a des trucs qui se passent mal dans une salle, quoi. Sinon, j'aimerais bien... Si mon spectacle, il n'y en a pas du tout, et je prévois pas d'en faire si j'en ai pas besoin, mais j'aimerais bien avoir un peu le talent de le faire... Quand t'as quelqu'un qui discute ou quand t'as un verre qui pète ou un truc comme ça, quoi. Mais je crois vraiment que c'est un muscle, parce que moi j'ai l'impression comme toi d'être vraiment nul à ça et d'être terrorisé dès que je devais le faire et même de volontairement ignorer quand il y avait un verre qui se pétait parce que je savais pas quoi dire. Et à force là j'ai fait des rodages dans des toutes petites salles et t'étais obligé de parler un peu avec les gens parce qu'ils étaient là et ils étaient tout prêts. Et sur scène. Ouais, au point virgule ils le sont sur scène. Et à force de le faire, tu deviens meilleur et tu as dit que c'est comme les blagues, quoi. Au début, t'es nul, puis après, tu deviens meilleur. Mais je comprends tout à fait ce que tu décris, parce que, effectivement, pendant 7 ans, moi, j'étais comme toi. C'était... Non, le public, il est là pour rigoler. S'il faut autre chose que rigoler, j'ignore. Ouais. Je continue mes trucs. Et toi, Fanny, tu disais c'est très écrit, donc pareil, toi, tu fais un peu quand même. Non, c'est à part quand vraiment il se passe un truc que je ne peux pas ignorer, mais sinon, non, le moins possible, parce qu'en général, je pars du principe qu'il y a quand même peu de chances que ça ait une valeur ajoutée, et du coup, je vais pas prendre le temps de faire ça. Surtout qu'à Paris, vu que c'est des créneaux d'une heure et t'es pas censé dépasser, genre, t'as pas le temps de niaiser avec des trucs qui vont pas aboutir, quoi, donc voilà. Et tu te dis pas, ça peut nourrir mon texte? Non, apparemment. Si, si. Ah, mais il faudrait que je le fasse. Hein, parce que des fois, les rares fois, dans les petites salles où j'avais pas trop le choix, parce qu'on était 12, bah là, tu le fais et ça marche méga bien et ça crée une ambiance qui est vraiment plus agréable, même pour moi. Mais non, pour l'instant, je le fais pas parce que ça me fout trop la trouille en fait. Moi, c'est ça que j'ai remarqué, c'est au début. Moi, je le fais au début du spectacle et ça crée vraiment une ambiance différente parce que j'ai pas une présence de scène très généreuse du tout, je suis pas très ouvert. Et le fait de parler un peu avec les gens, ça détend tout. Moi, ça me détend, eux, ça les détend. Puis après, c'est les blagues qui marchent mieux. C'est pas forcément l'interaction, j'essaie de la rendre drôle quand même parce qu'il faut faire rire les gens, mais c'est surtout les effets après coup de l'interaction. Mais hier, c'était dans un comedy club, il y a une nana qui parlait tout le long. Et chaque humoriste allait de sa petite vanne pour essayer de la calmer, machin. Et moi, je suis arrivé en dernier. Et elle passait une bonne soirée. Je pense pas que c'était quelqu'un qui voulait déranger le spectacle, mais il y a ces personnes dans le public qui pensent que le spectacle est pour eux précisément, puis qui réagissent plus fort, qui répondent aux questions rhétoriques, qui sont un peu chiants. Qui grillent les vannes aussi. Ça, ouais, voilà. Il y a toujours ce mec qui te corrige. Ouais, c'est vrai, le frère. Ouais, exactement, qui casse le rythme du truc, qui comprennent pas leur rôle. Et donc. Et là, tous les humoristes étaient allés de la petite vanne de ta gueule, machin. Et moi, je suis arrivé en dernier et j'ai fait une remarque genre, tu sais, tous les gens qui t'ont dit ta gueule toute la soirée, pense-y, machin, ça marchait bien. Et je crois que je suis allé un cran trop loin. Tu sais, des fois, ça marchait bien à chaque fois de lui taper dessus. Je l'ai suriné. Avec ton fauteuil roulant de merde. C'est trop là. Non, mais c'était vraiment mauvais ce que j'ai dit. Je sais plus, c'est qu'à un moment donné, je parlais du fait que mes potes me disaient de baisser mes standards pour les filles. Et j'ai rajouté en me disant ah, je vais improviser, je vais rebondir sur l'interaction. J'ai dit peut-être qu'il faudrait que je me tape la connasse du sud-ouest avec deux neurones. Et il y a eu un silence. Oh, genre j'ai senti le public qui était avec moi jusque là immédiatement être de son côté. Et je l'ai tellement senti que je l'ai. Ouais, alors je vous ai senti connasse, partir. C'est dur, ouais. je suis plus sûr d'avoir dit connasse, ouais. Coup, mais sud-ouest et deux neurones, je suis sûr. Ouais, ouais. Non, elle avait dit qu'elle venait du sud-ouest et j'ai dit deux neurones. Et là, j'ai senti vraiment qu'ils m'ont échappé totalement. Ouais. J'ai presque dû m'excuser. Et puis, j'ai mis une minute à sortir du trou que je m'étais mis. Donc, il y a des risques. Ah, sortir du trou, c'est ce que tu fais aussi. Hein. Allez c'est le trou, Marc du trou, mais putain. Mais c'est pas parce que je ris pas que je l'ai pas. Arrête, tu rigoles. Mais c'est marrant que tu dises ça, Thomas, parce que alors je le sais, moi, de mon côté, et apparemment, des gens le savaient dans les gens qui m'ont posé les questions. Tu as travaillé, fut un temps, sur une adaptation de Roast. Ah oui, comment les gens savent. Moi, je le savais, parce qu'il se trouve qu'avec Adrien, je crois que Navo aussi, on en a entendu parler, parce que c'est un truc que plein de gens voulaient faire à une époque, adapter le Roast en France. Et donc, je savais que toi, tu travaillais dessus aussi. Donc, pour expliquer un peu, je l'ai déjà dit tout à l'heure, que le Roast, c'était en gros vanner une célébrité. Pouvait rembobiner, c'est ça. Écouter. Et la célébrité peut se faire des vannes, mais c'est des vannes souvent très méchantes sur la carrière et le perso. Et tu disais, j'étais entendu tout à l'heure, placer c'est la meilleure chose. Toi, c'est un exercice. Moi, j'adore. Et je pense que je le disais tellement souvent que dès qu'il y a eu des projets de roast en France, alors que j'étais pas du tout ici ni très bien établi, à chaque fois on m'a appelé. Moi, j'ai bossé sur 3 moutures différentes de cette émission, dont aucune ne s'est faite. Ouais, ouais, Et on le saurait hein, si ça. Quel était le point commun entre les 3? Ouais, il y a peut-être ça. Mais je pense que les gens le savent parce que c'est Baptiste Le Caplain qui l'a dit au podcast de Navo et Kian. Et il a dit un truc à ce podcast. On me l'a envoyé parce qu'il parle de moi et je savais pas, c'est que ça a été annulé une des éditions, enfin un des projets, parce qu'ils ont montré à des invités potentiels les brouillons des blagues. Et les mecs ont dit non, ça je veux pas, et il paraît que c'était les miennes. Ça, je l'ai appris parce que Baptiste l'a dit au podcast la semaine passée, donc j'ai pas eu le temps de vérifier cette info, je le savais pas jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que j'avais fait une fois, on m'avait donné une liste de 15 célébrités françaises qui étaient censées être les invités du pilote. Ça allait de Depardieu à Omar Sy. Il y avait Gad à l'époque, je faisais déjà des blagues sur Seinfeld et Gad, c'était il y a 4 ou 5 ans. Il y avait Jamel, tout ça, et j'avais brainstormé tout seul toutes les vannes les plus méchantes que je trouvais, j'avais envoyé, puis apparemment c'est à cause de ça que... Mais qui avait choisi ces invités? Parce que à la limite Depardieu... Mais je crois que c'était... Alors ça, c'était autres, c'était Jamel qui lançait ce projet. Celui-là, je crois qu'il était chapeauté par Deb Jam, la boîte de prod de Jamel. Puis Depardieu aussi, tu vois... En fait, je pense que c'est des personnalités où tu peux voir un peu les blagues. Je dis Depardieu, il y a moyen qu'ils le prennent bien, mais les autres, je les imagine mal prendre bien des blagues sur eux, quoi. Oui. Après, oui, c'est un truc, c'est un peu un fantasme, je pense. Non, puis surtout, les blagues sont pas faciles, mais tu vois à peu près où taper, quoi, à peu près. Oui. Mais il y a un truc qui... Et du coup, ça, d'ailleurs, c'est le cas, c'est que ça ne s'est pas fait. Mm-hmm. Est-ce que tu penses qu'il y a un truc qui fait qu'en France, c'est pas possible, ou dans les pays francophones, c'est pas possible? C'est ce qu'ils disent tous à chaque fois, quand ils annulent le truc. Ils disent non, on n'est pas prêt pour ça, on n'a pas la culture. C'est pas la culture, ouais. Moi, je sais que dans les comedy clubs, vous l'avez fait quelques fois pour des anniversaires, des trucs comme ça, ça se fait. En Suisse, on commence à avoir de temps en temps des soirées roast, où c'est plutôt des 1 contre 1, des roast battles entre humoristes. Ça fonctionne bien. Moi, j'ai l'impression que les gens se marrerait, que ce serait pour un public. Le public, il est prêt, je pense. Ouais, ouais, ouais. Après, est-ce que les célébrités sont prêtes à entendre ces trucs sur eux? Je sais pas. Plus compliqué. Mais est-ce que c'est pas parce que c'est un public trop de niche et donc tu toucherais pas assez de gens pour avoir des grosses célébrités dedans? Ouais, bah peut-être, mais même si tu fais ça avec des humoristes inconnus, moi je pense que c'est drôle. Hein. Ouais, mais non, parce que c'est sur pas Comedy drôle Central, si tu fais sur Comedy Central, il y a un truc où c'est que des humoristes inconnus qui se vannent les uns les autres. Ouais. Et ils donnent les référents, ils font la blague et ça fonctionne. Après, c'est surtout des blagues sur le physique sur celui-là. Je crois que je l'ai vu, c'est les Rose Battle et trucs comme ça. Ouais, non, il y a, y a pas des fois, ils exposent ce sur quoi ils vont faire la blague. Ouais. Ils disent Ah, frère, le père de machin. Et après, ils font la vanne. Et en vrai, je pense que c'est juste sur la façon d'écrire le truc qui est pas. Tu l'écris pas comme la référence que tout le monde a, mais. Tu fais une vanne sur un truc précis, quoi. C'est sûr que c'est un moins gros budget que quand c'est le Rose de Bruce Willis, machin, mais moi je pense que c'est une forme qui est drôle et qui marcherait avec un certain public, mais peut-être pas le public de Michel Drucker. C'est un sport, c'est un truc que je trouve super excitant à faire. Mais moi je pense que l'erreur aussi, j'ai l'impression que les projets de Rose, ils ont voulu faire un truc déjà hyper médiatisé tout de suite, quoi. Ouais. Alors que peut-être il faut déjà commencer à en faire, genre dans des petites salles. Enfin, tu vois, en France, j'ai l'impression que comme tu dis, ça commence, mais il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et peut-être faut attendre que ça se développe déjà, tu vois, que ça organiquement, que ça commence à gagner la culture des gens, quoi. Je vais en parler, je connais du monde. Okay. En vrai, même les humoristes de Paris, je sais pas s'ils sont prêts, vraiment. Il y en a eu quelques-uns. À se faire vanner ou à tout le monde, tout le monde a pas un bon souvenir, je crois. C'est vrai? Ouais, moi j'étais pas. En fait, il y en a eu 2-3, mais il y a 2-3 ans, et il y en a pas eu depuis aussi, c'est peut-être un signe, quoi. Ouais, il y a eu quoi? Il y a eu Seb Melia, Adrien Arnoux. Moi, on m'avait envoyé des trucs audio que j'avais trouvé drôles. Ouais, oui, oui. Moi, j'ai même pas entendu ce qui est. Mais c'était pour leurs anniversaires, je crois. Ouais. Ça s'était organisé. Ouais, c'était ça. Des petits trucs. Ouais. Mais c'est comme à chaque fois qu'il y a les Césars, enfin qu'il y a les Golden Globes, t'as Ricky Gervais, des trucs comme ça, ils ont dit le jour où la France fera ça et tout. En même temps, c'est vrai que. Après, c'est Blanche Gardin, c'est encore autre chose, mais quand Blanche Gardin fait des vannes un peu trash sur des gens connus, les gens sont comme ça des oufs sur Internet. Farid ou Molière, ça a cartonné. Ouais. Enfin, non, moi, je pense que les gens sont prêts. Bon, moi, je me suis fait roaster à mon anniversaire et. Pour mes 30 ans, et je sais pas si j'étais tout à fait prêt, parce qu'il y avait quand même. Il y avait genre mon père, mon frère, ma soeur, mon ex, enfin des gens comme ça, et c'était que des blagues sur ma vie sexuelle. C'est mes potes, quoi. C'était très drôle, mais des fois, ils apprennent des choses. Ils apprennent des trucs. Nous, on l'a fait aussi pour Pierre Lapin. Ouais. Quand on a écrit des vannes. Ouais, pour son anniversaire, il voulait se faire roaster. Et c'est Guilhem qui avait fait le truc sur scène. Et il nous avait demandé des vannes. Et on avait trouvé des vannes. Mais pareil, Pierre Lapin. On va pas les dire là. Non. c'est vraiment. Ouais. Il est pas là, donc là c'est vraiment juste insulter un gars. toi Fanny, c'est un truc, parce que c'est vrai que toi sur France Inter, j'ai écouté quelques chroniques des fois. Déjà tu roastes Thomas depuis le début de depuis qu'on se connaît, Mais en fait, c'est vrai que sur certains invités, alors qu'ils sont autour de la table, tu te permets des choses où on pourrait dire putain. Donc c'est un truc qui te plaît ou... Oui, j'aime bien insulter les gens de manière gratuite. Ouais, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça quand j'aime bien les gens, parce que sinon ouais c'est juste malaisant. Ah ouais, c'est ça, ouais. Sinon j'aime beaucoup aussi, ouais, je trouve ça marrant les ping-pong en fait, et voir je suis pas douée en impro, mais si le truc est bien préparé, ça peut le faire. Et en Belgique, on a un truc qui s'appelle What the Fun, qui est un collectif qui organise plein de soirées d'humour, et chaque mois ils font une soirée What the Fun Sit Down, où c'est un humoriste qui vient et quatre autres humoristes parmi ses potes le roast, reprennent ses sketchs et tout ça, et ça c'est assez fun. C'est et drôle. J'en ai un en mars. Et donc je vais me faire insulter pendant une soirée. Quelle date? Le 20, si tu veux. J'ai chaud, moi. J'ai des vengeances à prendre. Non, mais c'est vrai que c'est une façon de faire qu'on aime bien, même en vrai, dans le podcast, de temps en temps, qu'on a des gens, même sur scène. C'est un truc, moi je sais que j'aimerais bien le faire. Mais après, c'est problème. C'est ce qu'on fait un peu avec Dan Gagnon sur Dan Twitter. Dan Gagnon sur Twitter, c'est très drôle. On a un échange très violent avec Dan depuis des années. Mais c'est juste une fois où il a vraiment fait un tweet où il y avait des blagues sur moi, et c'était vraiment exactement ce que je pensais de moi. Et j'ai dit non, mais c'est vraiment exactement. Mais ce qui est ouf d'ailleurs, c'est qu'il a arrêté sur toi depuis. Tu te prends plus aucune vanne de Dan. Par contre, toi. Et moi, du coup, je prends pour deux. Mais moi, ça me va très bien. Hein. Mais puis de toute façon, c'est pas il moi qui ai arrêté faille. Ma carrière. Donc, donc au final. Des chevaux. Un truc qui est bien aussi avec les roasts, c'est que tu vois l'image que les gens ont de toi, même s'ils l'exagèrent et tout. Tu dis, ah ok, le trait qui ressort, c'est ça. C'est comme la caricature à moi. Ouais, c'est ça. C'était ça le truc, c'est que je me suis dit, donc. C'est pas que j'avais pas confiance en moi, c'est que c'est la vérité en fait. Ce que je pense de moi, c'est la vérité. Donc. Mais moi, le truc que j'ai du mal à vivre, j'ai quand même beaucoup d'ego, c'est quand les gens que je connais pas reprennent les vannes. Ouais. C'est, ça, c'est normal. C'est normal sinon, ouais. Ouais, mais c'est, faut le dire aux gens parce qu'il y a un truc où nous on défonce. Okay, sur Twitter. Fermez vos gueules, vous n'êtes pas nos potes. Des fois on se fait des vannes et c'est trop cool entre nous. Et puis d'un coup il y a un gars que tu connais pas qui fait ah ouais, c'est comme cette grosse merde de Flo qui nananina. Tu fais oula, ouais. Ouais, doucement, doucement. À un moment, ouais, je me suis pris un sombre merde récemment. Oui, d'ailleurs, t'as vu, je l'ai repris. Je l'ai repris. Ah, ça c'est bon. C'est un peu. Il a liké ton truc, donc je pense qu'il s'en bat. Il a pas compris. Donc, ok, t'es un connard en fait. Hein. J'étais pas ton pote quand même. Oh, je plaisante, mais c'est vrai qu'il y a. En fait, on est un peu dans une zone de semi-célébrité où les gens un peu se disent encore c'est mes potes quoi. Et donc. Alors que non, alors on que est non. Over it. Wow. Non, vraiment, jamais de la vie, je vous côtoie quoi. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, Ghislain, sur le côté. Quand t'as une discussion, les gens se sentent. Enfin, les gens sont plus proches d'un gars, de gens qui font un podcast. Même toi, je pense, avec les gens qui doutent. C'est vrai que même nous avec Floodcast, alors que vraiment c'est les grosses têtes, on reçoit des trucs genre ah vous parlez de dépression et du coup naninana. Mm. Mais c'est vrai que ça crée des fois des liens où tu fais waouh, vraiment on n'est pas si proche et c'est difficile des fois d'instaurer. Parce que moi je suis trop content quand justement c'est sur ces sujets là, genre la dépression et tout, je trouve ça intéressant d'en parler avec des auditeurs. Quand c'est juste se prendre des vannes sur le fait que j'ai pris du poids, c'est vrai que c'est moins. C'est Il y moins a aussi mon un délire. Truc de. Des gens qui te connaissent un peu et qui aiment bien, qui te suivent et qui aiment bien ce que tu fais, qui sont un peu dans l'admiration, donc du coup ils vont t'écrire un message et ils sont un peu dans la gêne, tu vois, ils sont un peu dans le trac, donc ils essayent une vanne un peu, je sais pas si ça m'est pas déjà arrivé, mais tu vois le truc de sombre merde, ça se trouve c'est pas un mec qui était là, ouais Flaubert sombre merde, c'est un mec qui était en train d'écrire un truc, oh, est-ce que ça va le faire rigoler ou machin, un truc un peu dans la gêne, la maladresse, et tout, peut-être, sauf que les trois seuls mots de son tweet étaient Flaubert sombre merde. Mais ça, il l'a réécrit 4 fois quand même. Ça, après 15 minutes de trac à écrire un tweet, tu le vois plus, tu t'en rends pas compte quoi. Il remet son téléphone dans sa poche et il dit putain, ça va lui plaire. Il va kiffer. Là, ça s'applique pas à ce tweet en particulier, mais je vois, mais il y a un peu, oui, ce truc de genre. Je vais lui faire un compliment, mais je vais quand même montrer que je suis pas quand même un fan, donc je vais vanner en même temps. Ouais. Et du coup, il y a un truc c'est genre. Moi, j'ai déjà reçu des trucs où je me dis putain, il est con quoi, ou pourquoi il me dit ça ou machin. Et tu dis, en fait, c'est quelqu'un qui te connaît pas vraiment, en fait, et qui avait envie de t'écrire, et peut-être qui a été un peu maladroit ou quoi. Ils essaient de faire des inside jokes alors qu'ils sont pas inside grave, du tout, ouais, ça sert à rien. Le truc des podcasts, c'est aussi t'écoutes des gens qui sont potes se vanner entre eux, puis après, du coup, tu te dis, bah, je vais faire pareil, parce que c'est apparemment comme ça qu'il faut lui parler, mais en fait, non. Bah, toi, tu parlais des vidéos que j'ai fait avec Kian et avec Farid où on se vanne mutuellement. Bah, Kian, c'est vraiment ça, c'est un host pour moi. Oui, c'est ce qu'on avait fait, exactement. Et. Souvent les vannes qu'on se balance, bah du coup les gens maintenant comme elles sont sur YouTube et tout ça, ils les reprennent. Et quand je reçois des messages, même comme dit Cindy, des messages gentils, des gens qui me disent ah mais même si t'as zéro charisme machin, je vais venir à ton spectacle. Ouais. Je suis là, bah, ok, top, pas nécessaire, mais très bien. Parce que la différence c'est que sur scène j'étais payé pour qu'on prenne ces vannes dans la gueule. Là je les avais écrites. C'est ça. Oui d'ailleurs sur un truc comme ça en fait vous êtes filé des vannes de ça t'as le droit, ça t'a pas le droit. Ah bah oui. Ouais. Oui, quand Kian il dit que je peux pas faire d'enfant, tout ça, j'étais au courant qu'il allait dire ça. T'étais au courant que tu savais pas faire d'enfant déjà, c'est pas lui qui te l'a appris sur scène. Alors mon pote. J'ai des résultats. T'es stérile mon pote alors. Mais je me demande s'ils font ça aussi dans les versions américaines d'ailleurs, s'ils se tiennent un peu au jus, s'il y a un peu. Je suis pas sûr. J'ai l'impression qu'ils sont quand même salement surpris. Alec Baldwin et sa fille, il y avait un peu, je sais pas si vous avez vu, c'est le dernier. Non, je l'ai pas vu celui-là. T'as vraiment la fille d'Alec Baldwin qui vient et qui lui explique qu'il a été un père horrible, toujours absent et machin. C'est celle qui a épousé Justin Bieber. Je sais plus du tout. Ça, c'est une bonne marque que t'as raté l'éducation de ta fille. Elle épouse Justin Bieber. Non, mais c'est celle qu'il avait traitée de vilaine truie ou un truc comme ça. Il avait insulté sa propre fille de machin. Ouais. Et donc, du je crois que c'est l'autre. C'était un indice sur le fait que c'était vilaine truie. Non, c'était vilaine truie. On avait pas le contexte à la main. Non, je crois pas qu'ils aient les textes avant parce qu'il y avait eu sur le roast de Justin Bieber d'ailleurs. Il y avait Ludacris qui était là. Incroyable, c'est vrai. Et Ludacris a joué dans Fast and Furious avec Paul Walker. Il y a eu plusieurs vannes sur le décès de Paul Walker. Qui sont très très drôles. Il y avait une des vannes, c'était Ludacris a chanté Move Bitch Get Out The Way, et c'est ce que Paul Walker a dit à l'arbre avant de se le prendre. Je crois qu'il y en a une ou deux qu'ils ont coupé. Et là apparemment Ludacris était premier degré, très touché et triste et... Enfin, il était mort peu de temps avant hein, en plus Paul Walker, il y avait un peu un truc de... Il était vénère aussi son truc sur Steve-O, il y avait un c'était truc ça, c'était c'est ce que j'allais dire. Mais elle avait reçu des menaces de mort et tout. Oui. Mais apparemment, il y avait et aussi toujours, un truc d'ailleurs, en l'occurrence. Mais, pour le coup, Steve-O avait dit bon, arrêtez. Steve-O avait dit surtout. C'était un truc de montage. La réaction que j'ai eue était en fait pas du tout sur la blague et elle a été mise là pour faire. T'as l'impression qu'il est hyper touché par la vanne alors qu'en fait, ils avaient mis un autre truc. Steve-O, ça avait été un fiasco son passage. Mais il essayait de se lancer dans le stand-up, c'était cette époque-là, je crois. Et c'est Jeff Ross, donc qui est le mec qui fait tout le temps des roses, qui avait fait des vannes sur le fait que le passage de Steve-O était à chier parce que lui, il arrive à rebondir sur le moment, quoi. Et donc, du coup, c'était un petit peu dur pour Steve-O. C'était un petit peu dur pour lui. Surtout que je pense qu'il a des excellents auteurs qui lui ont donné plein de blagues et qu'il a réussi à les chier quand même. Quoi. Le mec, il les a mal vendus. Un cliché que je vois beaucoup. Les affiches de spectacle sont souvent horribles. Alors, ça, c'est vrai. En fait, c'est un roast, je crois. Il y a rien. L'ordi est un Flo. Paraît que t'aimes ça. Donc vas-y. Voilà. Ils ont tous des, ils ont souvent des grosses lunettes de merde. Genre 2 sur 3, quoi. C'est vrai ou pas? Non, mais en l'occurrence, vous, vous, ça ne s'applique pas, mais je trouve que c'est intéressant. Merci. Parce que merci. C'est très dur. C'est très dur de faire une affiche de stand-up. Mais non, en fait, de film français de aussi, pas je crois. Être stupide. Waouh. Non, mais il y a plein d'affiches qui donnent envie de crever quand même. Ouais. Bah, apparemment, c'est, en tout cas, les gens d'internet, beaucoup. Je dis ça parce qu'en plus, il y a quelqu'un qui a dit que l'affiche de Ghislain était vraiment très bien. Et pourquoi, et pourquoi t'as choisi de faire une affiche aussi décalée des affiches qu'on voit un peu partout? Est-ce qu'on peut voir l'affiche de Ghislain? Tu peux décrire un peu cette affiche? Bah, il y a un mec qui se met un micro dans le cul déjà, donc ça, c'est pas mal. Ah, c'est décalé, hein. C'est très coloré, c'est ma tronche en gros, avec deux petits bonhommes qui se mettent un peu des micros dans le cul, ouais. Exactement. Ah, je pensais que c'était une blague. C'est ce que je voulais, je voyais vos réactions, c'est pas une blague, il y a des micros dans le cul. Mais c'est discret. On... Et pourquoi j'ai choisi ça? Mais justement, parce que moi j'en avais un peu marre de voir tous les. Humoristes qui sautent en l'air en écartant les bras. Ouais, c'est ça, cet homme va trop loin. Qui mettent les poings sur la taille. Non, moi j'en avais marre un peu en ce moment. Pareil, il y a un délire de gens qui font du stand-up et ils sont tous des trucs super sobres, des affiches sombres avec un tabouret et un micro. C'est toujours pas c'est comme cette ambiance. Fanny et moi. Oui, voilà. Ben, non, mais je prends le risque un peu de carte parce que là je parle de potes à moi en plus, hein, des gens que je connais. Et le titre c'est toujours un truc un peu sobre. Mais je peux pas te dire de genre, trucs. Presque, que... ça va. Ouais. Oui, ben. Alors que toi, c'est un bon gros micro dans le cul, le titre. Bah oui, voilà. Oui, voilà, c'est un craquage, quoi. Mais parce que je trouve qu'il y en a trop, des trucs comme ça, des trucs trop sobres, je sais pas. Mais donc je pense qu'il y a des tendances, parce qu'il y a 5-6 ans, il me semblait que dans les rues, c'était vraiment, il fallait avoir l'air fou et drôle sur l'affiche. Et il y avait des jeux de mots dans le titre. Ouais. Se tape l'affiche, bon ça c'est le cas là. On va peut-être pas... Ah, c'est le premier, hein, c'est le premier. C'est vrai. Voilà. Mais non, justement, il fallait faire montrer que t'étais fou, que t'avais pas de limites, tout ça. Donc c'était, ils sentaient en l'air, ils faisaient des grimaces. Puis après, on a surcorrigé. Puis je pense effectivement, Fanny et moi, on est déprimés ou on est très neutre sur l'affiche. Mais oui, on est neutre. Quoi. Mais moi, je on me est neutre, mais les gens. Que... Pardon, désolé, je t'ai coupé la parole. Non, mais terminé. Je me souviens que quand j'avais vu. Non, parce qu'en fait, j'avais fini ma phrase. Oh, ok. J'avais quand j'avais vu les premières affiches de Fary et que je le connaissais pas, je me disais. Qui, non mais qui, c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il était vraiment ultra beau gosse, genre photo hyper belle et tout. Il y avait rien. Puis il y avait l'affiche d'Hexagone aussi, où il y avait pas son nom quasiment. Oui, mais moi un... je parle avant ça parce que du coup. Mais il y avait un truc de genre, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Parce que il y avait rien qui disait je suis Maurice, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que ça m'avait marqué le côté. Ah ouais, on a vraiment changé de cap au niveau des affiches du Maurice là. Maintenant c'est genre je suis beau le thème. J'imagine l'affiche de Fary mais avec genre les points sur la taille, genre. Oh qu'est-ce qui se passe alors? Et non, mais c'est pour dire, il y avait eu vraiment un virage quoi, à 180 degrés. Mais en même temps, ça me paraît très très dur de faire. Enfin, il y a tellement d'affiches de spectacles dans Paris, c'est difficile de sortir du lot. Quand tu regardes les colonnes Maurice, en plus maintenant, c'est genre 5 petites affiches collées les unes même dans le métro. Des fois, c'est je sais plus quel théâtre. Genre, en fait, c'est plein de toutes petites affiches d'humoristes et de pièces de théâtre collées les unes à côté des autres. Mais moi, je crois que sortir de ça, quoi. C'est faux de croire que c'est l'affiche qui va donner envie aux gens de venir. De toute façon, l'affiche, c'est pour donner l'info que t'es là. Et s'ils te connaissent déjà, et ouais, donner les infos. Voilà. Et puis, personnellement, je suis censée être attirée par les choses justement très sobres. Et cette vague-là, presque ça va et tout, j'en rigolais, mais je trouve ça beau, en fait. Là, le fait que ce soit sobre, que ce soit simple, que ça survente pas le truc et que tu dises pas aux gens, on va se taper sur la cuisse. Tu dis, voilà, on va parler de choses et ça va être drôle. By the way, et j'aime beaucoup ça, et moi je vais être beaucoup plus attirée par une affiche comme ça, et je pense que les gens qui viennent me voir, ils vont pas non plus attendre à se taper sur la cuisse, donc s'ils voient une meuf qui sourit pas, mais genre qui a juste une face normale, bah ils... Oui, c'est un peu ce truc-là que tu disais de dire attention, enfin vous allez voir ça quoi, de préciser un peu, de dire comme ça si vous rigolez au moins vous serez content, parce que je vous survends pas le truc, tu souvent un peu le truc. C'est ça. J'ai une question un peu pour tout le monde aussi. Alors c'est la crainte à chaque fois qu'on a des artistes qui viennent autour de la table, mais la question pardon parle de ça à chaque fois qu'on a des artistes autour de la table. C'est est-ce que vous avez une certaine crainte lorsque vous vous êtes lancé dans votre carrière artistique, crainte financière, peut-être même sociale vis-à-vis des potes, voilà, qui vous voyaient venir vers des carrières plus classiques. Fanny, on n'avait pas ça, donc. Ça... De quoi des potes des Ah non, ni potes ni carrière. Mais. Qui était le nom du premier spectacle. Ni potes ni carrière. Non, comment vous êtes lancé, toi, Gislain? Comment tu t'es dit, je me lance là-dedans? Enfin, je l'ai vraiment décidé un jour, quoi. C'est pas un truc que j'ai fait un petit peu comme ça en hobby, c'est vraiment un jour. Donc oui, moi, plein de craintes et de peurs. T'es vraiment allé genre dans le bureau du patron, et je me casse. Ouais. C'est-à-dire, incroyable. Moi, je vivais en Australie, en fait. Oh, putain. Et j'étais fan de stand-up et je suis allé à un open mic, quoi. Je me suis dit, bon, maintenant, j'aime trop ça, faut que j'essaye, quoi. Je suis allé à un open mic. T'as fait des blagues sur le Luxembourg, ils ont rien compris. Ça a pris de ouf. Oh yeah, Luxembourg. Non, et bon, j'ai pris une énorme tôle et je suis rentré chez moi. Je me suis fait un tableau, quoi, pour mettre du pognon de côté pendant un an. Et le truc, c'était un an après, je me casse, je rentre en France et je fais du stand-up. Donc moi, je suis venu à Paris pour ça. Donc des craintes, oui, parce que j'ai tout lâché pour ça sans avoir aucune idée de savoir si ça marcherait ou pas. Et là, ça fait 4 ans et ça marche pas. Donc voilà, mais les craintes, je les ai eues. Ouais, moi j'avais peur. Franchement, t'as peur de... Tu sais, tu dis ça à ta famille. Moi, je suis... En plus, j'ai fait ça, j'avais 33 ans quand j'ai démarré ça, quoi. Donc 33 ans, t'as eu le temps quand même d'échouer à tout le reste de ce que t'as essayé dans la vie, quoi. Tu dis à ta famille, je voudrais faire de la comédie et tout. Pff. Ouais, donc moi ça fait 4 ans que je suis RSA. Moi je suis super content de ma vie. Moi je considère que j'ai vraiment réussi ma vie. Ma vie elle est exactement comme ce que je voudrais qu'elle soit, quoi. Mais ouais, au départ, évidemment, t'as des craintes. Plus, je parle même pas de la crainte de monter sur scène où moi j'étais nerveux à un niveau incroyable et tout. Oui. Donc moi j'ai eu toutes les craintes et je pense que c'est un peu. C'est inévitable, quoi. Même les gens super extravertis qui arrivent facilement à faire comme s'ils avaient pas peur quelque part, tu peux pas faire ça sans avoir un petit peu peur, j'imagine. Et toi, Fanny, parce que justement, toi, tu dis que t'es quelqu'un de plutôt introverti, qui préfère lire des bouquins que sortir, tout ça. Mmh. Est-ce que on peut se dire, sur le papier, c'est un peu antinomique avec le fait d'aller sur scène? Comment tu as dépassé ces trucs-là? Non, c'est oui. Ce qu'on en a parlé dans. Enfin, bah, t'as écouté? Ouais. Oui. J'essaye de pas écouter les podcasts que fait Adrien sans moi. C'est de la pure jalousie. Le délire. En fait, oui et non, parce que d'un côté, c'est beaucoup plus facile d'être sur scène et de raconter ce que j'ai envie de raconter que d'avoir une relation, d'une conversation avec quelqu'un, parce que là, j'ai tout sous contrôle, je sais que ça va se passer exactement de telle façon, et donc c'est beaucoup plus serein, beaucoup plus facile. Et puis, ouais, j'ai toujours fait des choses totalement contradictoires avec ce que j'étais là, donc j'ai fait des relations publiques alors que je déteste parler aux gens et vendre des projets. Du basket alors que tu fais 1m42. C'est ça. Donc ouais, mais ça n'a pas de sens et en même temps, si, ça en a, mais j'ai jamais... Autant j'avais peur au début quand je montais sur scène parce que c'est totalement contre-intuitif en fait, de dire je vais être la seule personne éclairée, vous allez m'écouter sans parler et vous allez payer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ne faites pas ça. N'allez pas voir les humoristes. Mais. Si. Mais non, là, j'ai eu des peurs qui étaient. C'est vraiment des peurs de meuf qui n'a pas de problème, en fait. Ouais. Parce que j'ai. Concrètement, j'avais un métier, j'avais un diplôme, donc. Au pire, si ça se passait mal, bah, j'avais un backup. Puis c'est devenu mon métier parce que ça marchait assez bien pour que ça le devienne. C'est pas moi qui l'ai voulu. Maintenant, les craintes que j'ai le plus, c'est est-ce que je vais être capable de faire un truc que je trouve assez bien, un truc que les gens trouvent assez bien, un truc où je vais pas me dire les gens ont payé 20 balles pour me voir, il faut que ça vaille 20 euros. C'est plus des peurs comme ça sur la qualité de ce que je fais. Sur, c'est beaucoup 20 euros, je m'en rends pas bien compte. Ferme bien ta gueule. ouais, non, c'est plus une peur sur l'équilibre que j'arrive à mettre dans ma vie entre le travail et la fin. C'est plus des craintes personnelles que des craintes vraiment sur l'aspect gestion de la carrière, quoi. Toi, Thomas? Moi, j'ai eu un peu la même expérience que Fanny. Ça s'est fait assez progressivement après mes études aussi. Et c'est devenu mon métier par hasard quand j'ai réalisé que je faisais plus rien d'autre à côté, mais j'ai pas eu le truc extrême de Gislain où j'ai dû planifier, c'était j'essaye puis on verra bien, et je suis hyper timide aussi, et sur scène ça va mieux que dans la vie, donc c'est on me dit toujours aussi que c'est pas possible de faire de la scène quand t'es timide. Bah je crois que si, parce que je le fais. C'est drôle que tu dises, que moi j'ai un peu pareil avec, alors moi je suis plus un métier de l'ombre parce que j'écris et je réalise, mais en tant qu'auteur c'est rigolo parce que moi je suis très nul pour les choses de la vie, les trucs genre les podcasts et tout. Les podcasts et tout, bah, ça n'enregistre pas hein, depuis tout à l'heure. Ça veut dire à quel point je suis mauvais. Non, mais tu sais, les trucs de, ouais, de gérer des loyers, de gérer du, de l'administratif, du relationnel, machin. C'est comme ça que tu peux vivre ici, tu payes pas le loyer. et en fait, ce que je crois, c'est qu'en fait, c'est parce que j'écris, parce que c'est plus facile d'écrire sur d'autres gens que moi, et vu que j'écris sur d'autres gens, moi j'arrive à trouver les réponses dans ce que j'écris pour d'autres gens. C'est-à-dire que je gère les problèmes d'autres gens en fait. Et c'est vrai que c'est un truc un peu thérapeutique à ce niveau-là. C'est un peu branlette, hein, mais il y a un truc un peu thérapeutique de se dire bon bah vas-y, je m'occupe de d'autres personnes que moi quoi. Et du coup, ça me détend beaucoup sur mes propres problèmes. Et puis t'as le contrôle, c'est toi qui décides de ce qui se passe. Mais c'est pas tellement le cas dans les situations sociales, je crois que c'est ça l'anxiété que j'ai moi en tout cas. Toi, Adrien, parce que alors on va pas relancer le débat parce que les gens en plus demandent beaucoup, mais qu'est-ce qui te retient de monter sur scène outre d'avoir un peu peur, mais tu m'avais dit que le Bataclan, on a fait le Bataclan sur après, scène avec le podcast. On est je suis pas tout seul, c'est un public qui est oui, mais tu peux commencer à faire des scènes ouvertes sur un public un petit peu préacquis. Moi par exemple, j'ai fait quelques petites scènes ouvertes et je suis allé à la première fois de Yacine Bellous. Et sans être un public acquis, c'est un public qui... bienveillant. Bienveillant ouais, déjà. Ouais, je sais. Et puis en plus, qui en vrai, pour les... le bon quart, connaissait ce que je faisais. Non, bah, c'est juste la trouille, il n'y a rien d'autre. Ouais. Donc, voilà. Mais ça va mieux ou pas, à ce niveau-là? Non, pas trop. En fait. Est-ce que ça t'embête qu'on en parle? Non, non, pas du tout. Non, mais je dis toujours la même chose. Et, donc voilà, mais... Non, ben je sais pas. J'en reparle pour que les gens ne lui disent pas sur Twitter. C'est ça le truc, c'est-à-dire que... Oh, quand... t'inquiète. Adrien, sombre merde, quand est-ce que tu fais du stand-up? Les amis, on arrive au bout de ce podcast. Écoutez, bah oui, ça va une vitesse. J'ai quelques... Est-ce que vous pouvez partager peut-être quelques recommandations culturelles? Je sais pas putain, si Ghislain, Adrien te l'a dit. Je l'ai dit, et du coup, moi, j'ai oublié. Ah, putain. Non, mais t'inquiète. Thomas, tu m'as l'air prêt comme une analogie. Moi, je vais faire des recommandations... comme une analogie, j'ai pas trouvé mon analogie. Bah, c'était bien. Donc, voilà. Moi, j'ai pas relevé. je voulais faire des recommandations patriotes parce que j'ai plusieurs compatriotes qui jouent à Paris en ce moment et qui sont drôles et qui sont. Et l'entre-soi des humoristes. Ouais, des humoristes suisses. Non, il y a Marina Rollman. Elle, pour le coup, ça marche très bien. C'est très bien rempli. Et elle part en tournée. Donc, si ça passe près de chez vous, ça s'appelle Un spectacle drôle. Et c'est vrai. Charles Nouveau, qui est un humoriste de Nyon. S'il y a des gens qui nous écoutent en Suisse. Faudra qu'on... Ouais. Ah ouais, mais je le connais, on se connaît pas, je suis toujours un peu gêné d'inviter des gens. Bah alors ça lui ferait très plaisir, mais je pense. Oui, moi je l'ai vu justement à première fois, il était très très drôle. Il est très marrant, très il a un spectacle qui s'appelle Joie de vivre, qui est vraiment dans la même lancée que nous. Une des affiches préférées de Ghislain. De Ghislain, ouais, très déprimante. Lui il joue à Paris en ce moment, et il y a encore un autre qui est à Paris en ce moment qui s'appelle Alexandre Kominek, et lui c'est vraiment beaucoup plus trash et très très drôle, et lui c'est. C'est le seul Suisse qui a de l'énergie parmi ceux que tu as cités. C'est vrai que parmi ceux que j'ai cités là, c'est celui qui a un peu plus. Il a pris l'énergie des quatre en fait. C'est comme dans Space Jam, on a touché la balle de basket en même temps. On s'est allé chez lui. Et lui, ça s'appelle Alexandre Kominek. Et c'est aussi à Paris en ce moment. Donc allez les voir, ils sont marrants. Moi, je me casse de Paris parce que j'ai un peu de la peine, mais eux, ils restent. Allez voir les Suisses. Mais non, mais tu fais une petite tournée, tu fais l'Européen, tu as dit. C'est vrai. Voilà, mais je reviendrai trois jours. Là, j'étais là un mois et j'ai. Et stop, j'ai l'impression. C'était une expérience de vie. Donc il y a vraiment ce truc là, c'est vraiment angoissant pour les gens à Paris. Mais alors les gens, je sais pas, moi je viens d'une petite ville qui me plaît beaucoup et où je suis à l'aise, où j'ai mes repères et où mes angoisses sont gérées par le fait que j'ai mon confort et tout ce que j'ai mis en place sur des années, et quand je débarque à Paris, il y a tout qui saute en pièces, puis je suis pas bien. Mais c'est vrai que c'est... moi je suis allé à Neuchâtel en Suisse, et c'est vrai que d'un coup c'est quand même extrêmement relaxant. Il hein. y a un truc apaisant, je crois. Ouais. Bah, déjà, tu prends un petit train, ce qui est vraiment. T'as l'impression d'aller voir le Père Noël, parce que tu vas vraiment prendre un petit train dans les montagnes enneigées où il n'y a pas grand monde dans le train. Et du coup, ouais, c'est très relaxant. Ça dépend de l'heure à laquelle tu le prends. Je veux pas casser ton cliché, hein, je suis désolé. Non, mais c'était des lutins. En l'occurrence, c'est pour ça que je te parle du Père Noël, c'est des nains dans le truc. Mais c'est vrai que les Français, quand ils viennent dans des petites villes en Suisse, ils ont ce côté apaisant. Et ils m'en parlent tout le temps, oh, on est hyper bien. Et bah, nous, c'est l'inverse, parce que nous, c'est notre truc de base, tu vois, ouais, c'est notre benchmark. Et quand on vient ici, bah, du coup, on est très angoissé. Puis là, t'es venu dans le mois de janvier, qui était parfait pour Paris. C'est très bon timing. Ouais, très bon timing. Là. Ouais, j'ai eu les grèves au début, le coronavirus à la fin. C'est... Parfait. Et t'as quand même rempli malgré tout toutes les dates. Mais c'est l'avantage de jamais être là. Je crois que les gens qui voulaient me voir à Paris, ça s'est accumulé. Et puis je viens jamais. Puis là, ils viennent tous. Attends, t'as dit un truc positif sur Thomas. Ah, j'ai pas dit que c'était mérité. Hein. Ouais. C'est vrai que t'as dit c'est fou. C'est vrai. Que... attendez, c'est vrai. Non, c'est surprenant. Bon, autant pour moi. Ghislain. Ouais, moi j'ai une reco. J'étais... non, mais parce que j'ai préparé. Justement, j'étais content de venir. quand je me suis dit qu'il y avait une reco à faire, je me suis dit que ça va être l'occasion un peu de faire justice, parce que j'ai l'impression de passer ma vie à me dire putain ça c'est génial et personne ne suit, et alors qu'il y a des trucs de merde qui font des milliards de vues. Donc je me suis dit, je vais en profiter pour corriger tout ça. On fait pas autant. Et puis finalement je me suis dit, alors qu'est-ce qui mérite d'être plus connu, et il y a vraiment rien qui m'est venu. Donc je l'ai bien pris, je me suis dit finalement tout est bien à sa place quoi. Donc j'ai une vidéo YouTube qui est moyenne. Ça s'appelle... C'est une chef qui hurle. Ça s'appelle Arte, les bonnes conditions, immersion dans la jeunesse dorée française. Rien à voir avec le stand-up. C'est un reportage qui suit des jeunes, un peu des jeunes bourges de Paris, à rive gauche, et qui les suit pendant 15 ans et qui les interview. Ah ouais. Et donc tu vois l'évolution, et je trouve, je sais pas si ça a été beaucoup fait, mais c'est vachement marrant de voir l'évolution des gens. Genre Boyhood, ouais. Boyhood, ils ont pas de problème. Boyhood, Boyhood, j'ai pas vu, mais ouais. Moi non plus. Ça aurait été... ouais, c'est vrai que t'es bon. C'est vrai que t'es fort. Et ça aurait été encore plus marrant de faire ça avec plein de gens de la population différente, mais c'est déjà pas mal à voir. Et sinon, voilà, tout va bien. Fanny, Ben moi, du coup, j'ai pas maté grand chose dernièrement, mais sur YouTube, Chronomusique. Ouais, bah oui. La famille. Le frérot, hein, le sang de la veine, tout simplement, ouais. J'ai l'impression. C'est le sang de la veine, exactement. C'est, bien sûr, bien sûr. Oui, non, qui est très Pierre chouette. Sang de la veine. Mais qui est une des personnes les plus bienveillantes de YouTube. Je pense. Ouais, c'est vraiment un gars sûr. C'est pas difficile. Oui, honnêtement, le niveau était pas haut. Alfie aussi, c'est ça qui, comme ça qui s'appelle, qui fait les vidéos sur BoJack Horseman, Bo Burnham. Là, pour l'instant, c'est toutes les recos de l'émission de Kian c'est qui est sortie hier. Ouais. Ah, j'ai pas entendu. Adrien a recommandé Chronomusique et j'ai recommandé Alfie. Mais c'est pas grave. Mais... Et comme quoi, tu es ici chez toi. Voilà, je suis, un cliché. sinon, le show de Sarah Silverman dont j'ai parlé tantôt sur HBO, il s'appelle We Are Miracles. Et l'avantage, c'est que. C'est plus genre des idées lancées comme ça, quoi. Vous l'avez recommandé aussi. Non, mais c'est Adrien, il a fait un petit de connaisseur. J'ai bien aimé. Il a fait oui. Non, mais parce que je me dis, il est pas très récent, si. Si non, je pense un... que non, non, non, d'accord. Quelques... Parce que je me disais, quelques... ah, il y en a un nouveau. Non, il est sur OCS. Enfin, il est okay, sur HBO, connais. Donc sur OCS. Laisse-moi parler. Ouais. Ça va là. Qui vous invite? Et voilà, c'est un peu un truc décousu, elle lance des idées, donc c'est cool parce que ça peut se regarder en plusieurs fois. C'est un petit snack comme ça. Et c'est devant, filmé devant 39 personnes. Oh. Et je trouve ça ouf parce que je me dis comment elle les a choisies. Quand tu fais un special HBO, comment tu choisis les 39 personnes, quoi. Sarah Silverman, moi j'ai eu la chance de l'avoir en rodage, mais pas en rodage d'ailleurs, juste testé 5 minutes à Los Angeles. Et c'est fou ce que tu dis, t'as les gens connus, du coup, une fois que t'as fait beaucoup de spectacles comme Sarah Silverman, que t'es un peu connu, tu vas vraiment dans des angles très précis. Mmh. Elle, son angle, c'était de dire les juifs ont la chiasse dans les jacuzzi. Et vraiment, j'avais rien. J'ai vraiment. J'étais là, genre. Ah, donc c'est ça, ce stade, une fois que t'as fait toutes les blagues qui existent sur les juifs, tu pars sur ils ont la chiasse, donc ils ont pas le droit d'aller dans les jacuzzi. Donc voilà, peut-être on le comprendra dans 5 ans, cette vanne, mais en tout cas, ou alors je parle pas anglais, ce qui est aussi possible. J'ai mis mon antisémitisme sur Sarah Silverman. mais donc voilà. Mais oui, Sarah Silverman. Et puis le tout dernier qui était très cool aussi, qui est sur Netflix, je crois. Oui, absolument. Et qui est vraiment cool. Adrien Méniel. Ok, j'ai des trucs en fait. Android Méniel. Exact. La semaine dernière, Thomas, il a recommandé un truc de bouffe. Et je me suis dit, putain, mais on n'a jamais pensé à recommander de la bouffe. Ah, donc, mais le compte Instagram d'Adrien Méniel. Comment ? Le compte Instagram d'Adrien Méniel pour d'excellents sandwichs. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas. Un sandwich, justement. Un chien et un gars en slip. Est-ce qu'on peut espérer moins bien? Non. C'est la meilleure chose. Espérer moins bien? Ouais, non. Très méchant ce que t'as dit. Je suis raté. Non, c'est le site saucepiquante.fr. sauce-piquante.fr. Non, mais c'est vrai, moi j'adore les sauces. En fait, voilà, c'est ma passion. T'es en mode sauce, je crois. Je suis en mode sauce, justement. Et j'ai une gourde de sauce, pour dire. Enfin, je cumule mes deux passions, l'écologie et les sauces. J'ai des gourdes de sauce. Non, et comme son nom l'indique, quoi, c'est un site qui vend des sauces piquantes, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce serait drôle que ce soit autre chose. Ouais, vraiment une très, très mauvaise piste. Non, mais voilà. Il restait que ça en URL. On a racheté l'URL d'un pote. Non, et voilà, bon, bah, c'est juste, je vais pas m'éterniser là-dessus. C'est des sauces piquantes, classées par taux de piquance. C'est vraiment. C'est plus précis quand même. C'est pas... De taux de piquance, c'est plus. Non, mais c'est genre très peu piquant. Il y a une échelle, piquant, non horrible. Il y a pas. Ah oui, il y a une échelle, oui, ouais. Parce qu'il y a le. À l'échelle le de piquance. Hot Ones, là, qui. Justement, mais là, c'est juste. T'as des flammes, et une flamme, c'est pas très piquant. 5 flammes, c'est très piquant. Donc, quoi. C'est sur 5. Je crois, ouais. Ouais, d'accord. Et voilà. Non, sinon, j'ai découvert là récemment que, bon, alors c'est un peu une reco de gens, voilà, il faut payer, c'est un peu cher, mais c'est sur, quand tu payes MyCanal, tu as tout Adult Swim maintenant. Ah. Oui. Et ça, c'est vraiment trop bien. Donc, t'as genre Rick et Morty, bien sûr, mais t'as genre Morel Aurel. Pickle Rick, hein, d'ailleurs, je vous rappelle. Pickle Rick, voilà, j'adore. On est des geeks, hein, voilà. Ici, donc voilà. Et non, il y a Morel Aurel, il y a Robot Chicken. Oui. Voilà, tu dis enfin... juste deux mots à chaque fois à la suite, au hasard. Voilà. C'est pas... Ouais, ouais. J'ai un générateur de titres de show. Il y a Soda Blu-ray, il y a Siège Poster. Enfin, tu vois. Même tu pourrais prendre une demi-journée pour créer un générateur de Siège. S'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est toi. Et il y a ça, et il y a enfin une chaîne YouTube d'un mec qui s'appelle James Gurney. Donc on n'est pas du tout dans l'humour, mais James Gurney, G-U-R-N-E-Y. Et c'est juste un mec qui peint. Donc faut pas aimer spécialement la peinture pour le faire, parce que c'est un peu comme les gens qui regardent les vidéos de Bob Ross, ou qui, tu peux mettre ça en fond. Paix à son âme. Paix à son âme. Il doit bien se marrer là-haut avec Coluche et des proches. Et voilà, et donc si on s'intéresse à la peinture, c'est sur de l'ASMR pour les yeux. Un peu, ouais. Bah en fait, tu peux te mettre vraiment ça en fond. En plus, il a fait beaucoup de vidéos, et il se pose quelque part, il est tout calme, et il décrit un peu ce qu'il va faire, et il est extrêmement bon. Et donc j'ai vraiment regardé beaucoup de ses vidéos dernièrement, et du coup je recommande ce bon James. Voilà. James Gouttière. James Gouttière. Gurney, c'est une gouttière. Ça, ouais, ouais, bah, je crois bien. Le mec est bilingue. Et oui, les bilingues qui nous écoutent sont ravis. Je suis pas si bilingue que ça, mais j'ai essayé de traduire James dans ma tête. J'espère que c'est faux, comme ça tu vas te prendre plein de tweets. C'est possible. Ouais. Bon, j'ai l'habitude, dire que t'es un crétin. C'est quoi la version française de James? Jamy, de C'est pas sorcier. C'est lui-même. De Lex, c'est pas sorcier. De Lex, c'est pas sorcier. James, c'est pas Jérémy au départ? Jérémy. Mais Jérémy, ça existe. Est-ce qu'on partirait pas sur un Jean? James, c'est John. C'est pas un Jean. John. Ah ouais. John, ce serait Jean. Si vous avez la réponse. Toi, attends, on finit pas. Je vais quand même conseiller moi mon truc. Ça s'appelle Total Tracks. C'est un podcast qui parle. Alors, ça parle de musique de film, mais qui retrace en gros des genres entiers par la musique de film. Et c'est très calé. Et en même temps, je trouve pas ça très. Enfin, moi, j'y connais vraiment rien du tout en musique classique et en musique orchestrale. Et parce que c'est surtout ça, c'est des compositeurs orchestraux, et c'est extrêmement intéressant. C'est des podcasts très longs. Moi, j'aime bien les podcasts très longs parce que je fais pas grand chose de ma vie, donc j'écoute beaucoup de podcasts. Bon, en tout cas, c'est des émissions très longues, et c'est vachement bien. Et c'est, je sais qu'il y a Rafik Djoumi dessus. J'ai oublié l'autre nom. Je suis désolé à la personne, mais n'hésitez pas à écouter. C'est vraiment très très intéressant. J'en profite puisque tu parles d'un podcast musical pour dire la musique dans la peau, le podcast de notre pote Aslak, voilà. Bien sûr, qui était venu ici, une émission à laquelle j'ai participé. T'as participé toi ou pas encore? Ok, voilà, émission très très cool aussi. Si vous aimez les gros snobs qui aiment rien musicalement, et, qui jugent mes goûts apparemment, avant même que l'émission soit faite, et ben. Reçu des textos déjà de pour. Non, il m'a demandé mes trois albums. Ouais. Alors c'était. Parce que c'est ça, en fait, il te demande trois albums et tu dois les donner après, et t'en pars. Voilà. Vas-y, spoil son émission. C'est ce que j'allais dire. Non, je vais pas spoiler parce que je me suis assez fait juger sur mes goûts. Non. Allez. Non. Si, ok, j'ai mis l'album Words de FR David. Je sais pas si, comme personne connaît, je peux le dire. Ouais. Et voilà. Il y a un petit ROH 2F, rassure-moi. Bah non. Oui et non. Mais non, mais justement, il demande de citer trois albums qui ont marqué ta vie. Donc déjà, c'est hyper dur parce que aucun album n'a marqué ma vie vraiment. Mais et en plus, moi, faire des choix, c'est un peu compliqué parce que chaque fois, je me dis ah putain, mais je suis sûr que je vais oublier un truc essentiel et tout machin. Et une fois que je lui ai donné, il a fait ah ok. Il a juste répondu dur. Ça. Dur. Et donc je lui ai dit ok, belle j'annule. Merde. Et après j'ai dit non, en fait j'annule pas, je vais venir gâcher votre émission de sac snob de merde et vous insulter. Donc écoutez, ça devrait être une bonne émission du coup. Voilà. Bon bah très bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, d'être venu. Merci à vous. Il y a un cliché sur lequel je suis pas passé qui paraît que vous êtes tous dépressifs. Et oui, ça oui. Voilà, parce que c'est oui. Les gens auront pu se faire une idée là-dessus. Voilà, c'est ce que je me suis dit. L'émission parle d'elle-même. Il y a peut-être pas besoin de s'arrêter sur ce point précis. On va refaire un dernier tour de table et aussi n'hésitez pas à dire les dates, votre promotion, tout ça. Ghislain Bic, en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, je suis en spectacle tous les mercredis à la Petite Loge à Paris, le plus petit théâtre de Paris. Il y a 25 places, donc c'est très vite complet. Voilà. C'est vers Pigalle, c'est ça? C'est à Pigalle, ouais, Pigalle. Vers Saint-Georges. Les plus grands ont commencé là-bas. C'est assez réputé, cette salle. Tous les meilleurs commencent à Petite Loge. Non, je sais pas. Enfin, si, en vrai, c'est un super théâtre, la Petite Loge. Allez regarder la programmation de la petite loge, parce que moi je trouve c'est le plus petit, et je trouve que c'est dans les petits théâtres de Paris, je trouve que c'est un des meilleurs. Donc voilà, Ghislain Blic sur tous les réseaux sociaux, et je suis en spectacle tous les mercredis soirs. Thomas Wiesel avec un W, en tournée en Suisse, en France et un petit peu en Belgique, donc Paris, Lyon, Toulouse, et puis j'ai un site thomaswiesel.com où il y a toutes les dates. Ouais. Et tu refais, c'est ça, quelques européens, une super salle l'européen. 11 et 12 mai, ouais, je me réjouis. Ouais, c'est vraiment une super salle. Ça va être cool, 11 et 12 mai à Paris à l'européen. Et sur Instagram aussi, c'est cool de suivre parce que tu mets beaucoup d'extraits de 5 minutes, de 10 minutes que tu joues, ouais, et c'est assez cool. Moi, je t'ai découvert comme ça et c'est cool de faire ça. Enfin, ça c'est de plus en plus. C'est des blagues que j'écris pour un truc précis et que je vais jouer qu'une fois, donc je me dis que... Est-ce que le truc de Matt Lai sur YouTube ? Non, ça c'était avant. Ah. Avant YouTube ? Mais il y a des blagues en Afrique du Sud que j'ai fait un passage en Afrique du Sud. Oui, qui a beaucoup tourné, que j'ai vu, ouais. Oui, parce que t'as mis toutes les références à toutes les blagues. Ouais, bah typiquement, là c'était les gens qui disent si tu débarques dans une ville, bah là j'ai débarqué dans un pays, je suis pas sorti de la chambre d'hôtel, mais j'ai lu Wikipédia. Ça suffit. Et après je suis allé sur scène. Ouais, plus ou moins. Non, mais oui, alors ça je mets un peu des vidéos, donc c'est Wiesel Tom sur Instagram. Fanny ? Fanny Ruet sur Instagram, Facebook, Twitter, tout ça. Je veux le swipe up, donc suivez-moi. Ouais, okay. Sinon, je joue donc tous les lundis soirs au Barbès Comedy Club en janvier-février. À partir d'avril, c'est à la Nouvelle Scène tous les mardis. Et puis, ouais, y a pas mal de dates Belgique, France, Suisse. Donc voilà, j'ai un petit site internet. Bah oui. FannyRuet.com. Ah, bien joué. Bah ouais, mais sauce piquante, c'était déjà pris. C'est ça. Très bien. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation. C'est super cool. Avec Adrien, bah je suis pas sûr, la semaine prochaine. Là, on en a enchaîné, hein, franchement. Enfin, on en a fait pas mal. Écoute, c'est toi qui décides, c'est toi le chef. Oui, bon, on verra. Et à très bientôt. Et puis, merci encore. Au revoir tout le monde. Ciao. Bye. Salut. Bye.